Salut à toutes et tous et bienvenue dans Devan Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel ou presque, puisque je suis avec Guillain, titulaire du bachelor game artist d'Artefix et au travail sur le projet Arashi. Comment vas-tu, Guillain ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va bien, un peu fatigué suite à l'E3, mais on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir très rapidement. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, bah d'ailleurs, à noter que tu es le seul ce soir de l'équipe habituelle de Devan Retry. Floris. Pensais à Marie et Floris. Hein. Exactement. Mais nous avons fait revenir Thomas de la dernière émission, Thomas Gonzalez, qui travaille sur Astre et qui est game designer. Comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Bah c'est cool. Toujours laconique, mais toujours présent. Merci à toi. Et enfin, invité Marc ce soir, puisque nous recevons Thomas Versavo de la chaîne YouTube Game Spectrum, voilà, qui vient avec nous pour discuter de la vidéo sur Internet et de son rapport aux jeux vidéo. Comment vas-tu, Thomas ? Bah, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invite, c'est super cool. Bah, ça nous fait plaisir que tu sois là. Alors, bah, écoutez, ma foi, tout le monde est content, tout le monde va bien, on va pouvoir commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, du coup, il y a eu l'E3 cette semaine, je pense que je l'apprends à personne. On a couvert l'E3 avec Amalgame. Si vous voulez retrouver les replays sur la chaîne, et quand je dis on, c'est l'équipe d'Amalgame et moi-même, et pas les autres membres de Devan Retry qui vont encore me faire part de leur jalousie, j'imagine, et me la faire payer. Mais voilà, mais du coup, effectivement, cette émission a été préparée un petit peu, à la cool. Ouais, à la cool, hein, c'est ce qu'on va dire. mais bon, allez, c'est parti, on va quand même faire front. Alors, les vidéos sur internet, quelque chose qui s'est popularisé ces dernières années concernant le jeu vidéo. Moi, en fait, je regardais pas de vidéos qui traitaient du jeu vidéo avant qu'elles arrivent sur jeuxvideo.com avec les chroniques, et notamment la chronique 3615 Usul. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est à partir des chroniques de jeuxvideo.com et de Diablo X9, etc., cette période-là, aux alentours de 2012, il me semble que ça a commencé vraiment Ça dépend de quoi tu parles, parce que pour moi, les premières vidéos, c'est les gaming live. Oui, oui. C'est clairement, pour moi, c'est le premier contact que tu as avec la vidéo sur internet et qui parle directement de jeux vidéo, parce que c'était quand tu étais gamin, un jeu sortait et le premier truc que tu voulais voir, c'était purée, le jeu à quoi il ressemble, jeuxvideo.com, gaming live. Effectivement, ce que je voulais dire par là, c'était en fait le. Non, mais t'as raison, je me piège moi-même, j'allais te dire, je pensais à des amateurs qui faisaient des vidéos sur YouTube, mais effectivement, 3615 Usul avait beau sortir de nulle part, il était rémunéré pour ses vidéos sur jeuxvideo.com, donc oui, non, mais effectivement, du coup, contre-exemple intéressant, les gaming live. En fait, si on prend le pourquoi on a eu des vidéos sur le jeu vidéo sur internet, c'est que quand même à la base, faut revenir à la base du projet, c'était que on parle de jeux vidéo sur internet mais de façon écrite, donc on avait des tests écrits notamment sur jeuxvideo.com, etc. Et avec l'histoire d'internet et le moment où on a eu plus de bandes passantes pour permettre le développement de la vidéo, forcément ça a été un média qui a de suite pris de l'ampleur et qui est mieux accueilli par le public, parce que c'est quelque chose que les gens on regarde naturellement. Les gens sont habitués à regarder la télé, à aller au cinéma. C'est le média qu'il faut utiliser aujourd'hui pour se faire entendre, quoi, plus que de la presse écrite ou de la radio. Ouais, c'est-à-dire que les gens ont un peu la flemme de lire souvent. La télévision, le média, les médias audiovisuels nous ont habitués à être passifs devant un écran ou devant une radio. Et donc, du coup, effectivement, lire, ça nous demande un effort que l'on n'est pas tout le temps prêt à faire. De même, si vous allez lire un test sur jeux.com, j'imagine que le réflexe que tout le monde a, c'est de regarder en premier la note et ensuite peut-être de lire le test ou les trucs marqués en gras. Oui, et puis moi aussi, j'avais quelque chose à dire sur la presse, mais je viens de me perdre, j'ai oublié ce que c'était. Simplement après. Ah oui, non. Oui, également, Thomas, tu as fait quelques critiques de jeux, Mad Max, oui, il me semble, The Last of Us. Tu avais terminé ces jeux-là quand tu as fait leur critique ? Oui, complètement. Moi, j'essayais vraiment d'être. Je dis complètement, mais justement, Mad Max, je l'avais fini, The Last of Us, c'est l'exception, c'est la seule critique que j'ai faite sans avoir fini entièrement le jeu à l'époque, parce que je revenais de 10 mois de pause en fait, et il fallait vraiment, je me dis, bon, bah, vas-y, il faut se remettre dedans, ça va plus, tu vois. Et du coup, j'avais pris ce jeu-là que j'avais vachement apprécié, que j'avais quand même bien avancé, mais que j'avais pas fini, et j'ai voulu parler de ça. J'ai écrit le texte dessus, parce que je me suis dit, il faut que je me remette à écrire, puis je l'ai enregistré, c'est sorti, et je me suis dit, voilà, c'est juste pour me remettre dedans, mais pour le coup, c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. D'accord, c'est mon téléphone qui a sonné, c'est moi qui dis aux gens besoin de mettre leur téléphone sur discret et c'est mon téléphone qui voilà. qu'est-ce que j'allais dire, du coup voilà, en fait moi ce que je pense c'est que la plupart du temps les youtubeurs sortent leurs tests une fois qu'ils ont terminé un jeu. Est-ce que je me trompe, est-ce que tu es au courant de ça ou pas, de comment fonctionne je connais pas les méthodes des gens. Après aujourd'hui les testeurs c'est assez c'est beaucoup moins répandu qu'à l'époque, mais ils sont plus aussi connus, populaires ou quoi. Donc je sais pas trop quelle rigueur ils appliquent à leur travail. J'imagine que ça dépend de toute façon des vidéastes. Oui, général, en tout cas sur les interviews que j'avais vu des testeurs de JVC justement, c'est ils racontaient qu'ils avaient juste pas le temps de finir un jeu parce que de toute façon il y a certains jeux que tu testes, genre tu prends un RPG où tu vas mettre 300 heures à finir, c'est pas possible d'avoir le test qui sort quand le mec a fini le jeu quoi. C'est là où je voulais en venir effectivement, c'est que quand tu es journaliste tu reçois le jeu vidéo en avance généralement, mais pas de temps que ça. Et encore. Ouais, voilà. Et encore. Tu dois pas l'acheter toi-même à la sortie. Oui, bon, mais en ce qui concerne jeuxvideo.com, généralement ils les reçoivent fournis par les éditeurs quelques jours à l'avance, mais effectivement ce n'est pas suffisant pour terminer un The Witcher 3, j'imagine, si tu le reçois pas un mois à l'avance, c'est compliqué. Mais du coup, effectivement, souvent les tests dans les magazines sortent et le testeur n'a joué au jeu qu'une dizaine d'heures peut-être. Et alors qu'un youtubeur, du moins les tests que j'ai regardés, ils avaient l'air d'avoir joué le jeu de A à Z. Et le truc, c'est qu'on conçoit un jeu vidéo à l'aide d'une courbe de progression qui fait qu'on est conscient que le testeur va avoir le temps, le journaliste va avoir le temps de jouer à un jeu tant de temps. Donc du coup, on fait des jeux qui sont... Ah, Assassin's Creed, voilà, je vais vous donner un exemple concret. Les Assassin's Creed sont des jeux très cool sur les premières heures de jeu et dont on se lasse en fait petit à petit au bout de, je sais pas, moi c'est aux alentours de la quinzaine d'heures de jeu généralement. Et du coup, ça explique que certains jeux aient des très bonnes notes dans les magazines et de moins bonnes reviews sur internet parce que dans l'un, le critique n'a joué au jeu qu'une poignée d'heures et dans l'autre, la personne a fait le jeu de A à Z. Et les jeux sont construits sachant que les critiques n'auront pas le temps de le faire en entier. Voilà où je voulais en dire aussi. Ouais, même t'as aussi le fait que en fait ça va même dépendre des rédactions aussi. En fait, il y en a qui vont être surtout les sites qui vont vraiment avoir besoin de publier régulièrement. Ils vont pas forcément prendre le temps de finir le jeu ou de quoi que ce soit. Ils vont l'avoir, ils vont faire leur week-end, ils vont mettre le 9 sur 10 et puis. Et voilà, donc il n'y a pas que internet ou pas internet, c'est aussi en fonction des rédactions, ils prennent plus ou moins le temps. Et ce qu'il y a aussi avec les vidéos sur internet, de toute façon, même sans aller sur les tests, ce qui même prend un peu la place du testeur chez pas mal de joueurs, c'est justement le let's play avec le mec qui donne son avis au fur et à mesure. On le voit évoluer dans le jeu. Et du coup, là, forcément, il prend son temps de le finir parce que du coup, il le joue en même temps que son audience. Oui, c'est sûr, mais après c'est pas le même but. C'est parce que là on était en train de parler plus sur du coup les tests, donc qui pour la personne qui regarde les vidéos, c'est plus pour regarder si tel jeu va être bien ou pas pour lui et s'il va passer au porte-monnaie quoi. Alors qu'un let's play, je pense qu'il y a plus une dimension. Enfin, t'as plusieurs dimensions dans le let's play. C'est t'as la dimension de je veux juste regarder mon youtubeur parce que pour moi c'est ma source de divertissement. Où t'as un aspect, j'ai pas envie d'acheter ce jeu, et du coup je vais passer juste ce let's play du jeu pour suivre l'histoire sans avoir besoin de toucher une manette. Ouais, non mais ouais, c'est ça, non mais c'était juste pour dire que en gros il y avait, en dehors du test classique, il y avait ce truc là qui prenait justement de plus en plus de place et qu'il y a toute une frange de joueurs qui même vont jusqu'à dénigrer un peu le test classique pour le test plutôt... plus direct, en tout cas la vie plus directe du youtubeur, même quand c'est pas, enfin que ce soit en let's play ou en vidéo montée quoi. Oui, c'est ça, ils veulent voir du gameplay les gens. Oui, et puis l'intérêt du let's play aussi c'est que le youtubeur que tu suis, déjà tu es attaché un petit peu à lui, si tu le suis c'est que tu l'aimes bien, t'aimes bien sa façon de commenter, donc bon, c'est vraiment plus le jeu vidéo que tu vas regarder, c'est la personne que tu vas suivre, mais également ce qui t'intéresse c'est l'authenticité de la personne. Alors après moi j'avoue je regarde pas énormément je regarde pas des let's play dire clairement oui, il y a des youtubeurs qui mettent en description de leur vidéo un lien qui permet d'acheter le jeu et du coup Les liens d'affiliation. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, ils sont rémunérés si tu achètes le jeu en passant par le lien qui est sous leur vidéo. Donc là, on peut s'interroger sur l'authenticité des commentaires qu'il avait dans sa vidéo, sur l'intégrité de la vie de la personne, etc. Mais on va partir d'un exemple sain où la personne vraiment joue au jeu et te donne son ressenti réel sur le jeu. Tu as, du coup, dans, si tu suis un let's play, un avis authentique que tu ne retrouves pas vraiment ou à ce point dans un test écrit. Parce que dans un test écrit, et c'est une autre qualité, le critique a plus de recul sur le jeu qu'il critique. Ouais, il veut avoir son petit filtre d'objectivité. Mmh. Je mets des guillemets, vous les voyez pas, mais... D'ailleurs, c'est, Thomas, c'est une vidéo que tu avais faite sur Squeezie, oui. Où tu parlais de pourquoi on suivait Squeezie. Donc, j'ai envie de redire un peu les éléments de ta vidéo. Oui, non, mais c'est ça, c'est la différence entre les let's play et les tests aussi. C'est le rapport en fait, au jeu dans la mise en scène de la vidéo. C'est-à-dire qu'un testeur, lui, en fait, le centre et le sujet de la vidéo, ça va être le jeu, ça va être le décortiqué. En fait, la vidéo va servir à montrer le jeu pour en montrer les éléments et pour pouvoir les juger en fait, visuellement. Alors que Squeezie, ça va être assez différent parce que Squeezie, en fait... je prends Squeezie en truc parce que c'est l'exemple qui va dans ma vidéo, mais les gens qui font des let's play, même Squeezie n'en fait plus de temps que ça maintenant, mais les gens qui font des let's play ou juste qui jouent au jeu et qui font, en fait le jeu ne va plus être là pour dans la vidéo pour être décortiqué, mais il va être là pour servir de support. En fait c'est comme si vous voulez la scène de théâtre avec le décor, ça va être le jeu vidéo, et en fait le youtubeur, lui, qui il va arriver, ça va être l'acteur sur scène, ça va être le dramaturge qui a écrit la pièce, et en fait il va utiliser le jeu vidéo comme un support à son histoire, à sa narration, à sa mise en scène. Et du coup le rapport forcément au jeu est différent, et le jeu peut paraître plus amusant parce qu'il y a tout un surjeu aussi dans le jeu, dans les codes de YouTube, qui va rendre le jeu hyper fun, parce qu'en fait t'as l'impression que le mec s'amuse comme un fou dessus, alors qu'en vrai il peut surjouer un peu. Il y a des youtubeurs qui l'ont avoué, ça, avoir fait des vidéos où ils surjouaient leurs réactions exprès pour être divertissant, quoi. Donc ça dépend. Et après en plus il y a un point que tu peux remarquer assez facilement, que en fait on regarde pas le jeu mais le youtubeur, c'est simplement qu'il se filme face cam. Oui, ça, l'apparition en fait, du facecam sur l'écran montre qu'il y a une différence quoi, de rapport à l'image. Quoi. C'est ça, et après, tu as toute une notion de relation avec son public qui se met en place. Tu as des liens d'affect qui se mettent en place, et c'est d'ailleurs pour ça que la puissance du marketing, quand tu contactes un de ces influenceurs, c'est qu'en fait, ils ont déjà un public qui les suivent, et qui, en fait, c'est limite des gourous pour le public qui les suit. Quoi. Donc c'est là que c'est très intéressant de cibler ces personnes-là pour une opération commerciale. Mais surtout qu'en plus, il y a un flou, en fait, la forme que prend YouTube, en fait, et le rapport qu'on va avoir aux vidéastes, il y a un rapport de proximité, en fait, inhérent, parce qu'on sait qu'entre la vidéo, le public et le créateur, il n'y a pas d'intervenant, en fait, il n'y a pas eu une prod, il n'y a pas eu un monteur ou quoi, souvent, c'est le mec qui a fait sa vidéo qui la poste, et du coup, il y a un rapport assez proche, et du coup, ce rapport de proximité-là, en fait, ce qu'il crée, c'est que... Quand il y a une pub qui va, quand un vidéaste va être sponsorisé par exemple ou quoi, on va plus le voir comme un pote qui parle du truc en mode ah, ça a l'air cool, tu vois. Du coup, quand un pote te dit ça, toi tu te dis ah bah je vais essayer et tout. Mais si tu savais que ton pote derrière il avait été payé pour ça, tu vois, il y a un truc un peu problématique où il y a un jeu en fait sur ce truc un peu flou qu'il y a dans la relation entre un youtubeur et son audience, sur lequel en fait les marques tapent vachement, notamment chez les vidéastes, les youtubeurs enfants. Où là il y a encore plus ça qui est matraqué, quoi. Ouais, c'est clair. Et après je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, Vincent, le fait que si t'as un lien affilié sous une chaîne de youtubeurs, est-ce que ça va pas changer son avis sur le jeu? Bah ça, je te répondrais que je pense pas, parce qu'en fait quand un youtubeur va parler d'un jeu, en fait il met sa réputation en jeu. Toutes les vidéos qu'il y avait avant avec le rapport de proximité, si d'un coup il se met à dire ouais ce jeu est génial, alors que lui-même ne trouve pas ce jeu génial et que le jeu est de fait pas bien, il prend un gros coup sur la réputation, et c'est ce qu'on appelle un bad buzz. Hein. Quand il y a gros chèque, il y a un moment, faut pas se voiler la face. Et souvent de toute façon aussi le côté fidèle à lui-même, en fait ce qui va être fait, en fait, c'est souvent la demande, dans tous les cas, de la part de l'éditeur, souvent, va être faite sur un youtubeur qui, déjà, parle de ce genre de jeu, ou à une audience qui aime ce genre de jeu, dans tous les cas, donc ils vont forcément... C'est pour ça que ça va être plus dur de voir s'il est plutôt sincère ou pas, parce que normalement, ils vont quand même déjà viser le youtubeur qui aime déjà ce genre de jeu, donc tu pourras pas voir s'il exagère ou pas. Ah bah clairement, après, et il y a la différence, voilà, entre « il trouve le jeu bien », et il dit que le jeu est vraiment parfait, quoi. Bah après, je sais pas si t'as fait ce travail pour Astre, toi, mais moi, pour Arashi, en fait, j'ai commencé à regarder sur quel youtubeur jouer un peu au type de jeu que je suis en train de créer pour justement pouvoir les cibler et pour pouvoir leur proposer de jouer à mon jeu, soit en donnant des clés, soit en avec ce type, ce type d'action commerciale. Sauf que... attends, je sais plus où je voulais en venir. Tu me perturbes avec ton petit regard. Mais oui, c'est un truc qui se fait beaucoup, en tout cas, le fait de, que les développeurs ils ciblent un peu les gens et tout. Moi, je me souviens, j'avais reçu par exemple un mail d'une boîte de com qui travaille pour Devolver Digital notamment. Ils m'avaient envoyé un mail en mode je vois les genres de vidéos que tu fais et tout. Du coup, si par exemple, il me donnait des sujets de vidéos que je pourrais faire. Genre, il m'a donné si tu veux un sujet sur le féminisme et la masculinité et trucs comme ça. Et il m'avait listé des jeux Devolver qui auraient pu rentrer dedans, genre Genital Jousting, Reigns le 2, Her Majesty et tout. Donc, il y a vraiment ils ciblent comme ça parce qu'ils savent que ça peut avoir un intérêt et tout. Même pas que pour des let's players, parce que moi je suis pas vraiment let's player, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant de voir que maintenant ça fait partie du paysage des marketeurs, je pense. Justement, vu qu'on t'a. Est-ce que t'as été sensible justement à cette offre, vu qu'en fait ils ont vraiment regardé le contenu que tu faisais, ils t'ont proposé une offre qui correspondait exactement à ton travail? Oui. Moi j'étais sensible à ça parce que c'était la première fois que j'avais un mail vraiment ciblé. Souvent, t'as vraiment beaucoup de mails un peu random et tout, truc. Celui-là était vraiment ciblé et tout, donc je l'avais juste remercié en disant ah oui, en plus je préparais vraiment un sujet sur la masculinité et tout que j'étais en train d'écrire, que j'ai pas du tout fini, mais voilà. Et du coup, j'avais envisagé de Genital Jousting déjà, mais j'avais pas envisagé Reigns Her Majesty, donc je me dis bah écoute, merci, j'y penserai, tu vois. Mais après, j'évite d'avoir un rapport trop amical non plus, je vais pas arriver à être trop biaisé après dans les. Ah oui, c'est sûr. Et je vais choisir. Mais après, en même temps, je pense que t'as lu quand même Devolver sur le mail, ça doit jouer, non? Un peu, après, c'est pas eux directement, mais ça a joué. Après, moi, Devolver, je suis pas forcément un fan de tout ce qu'ils font, mais. Oui, non, mais après, c'est comme partout, mais bon, c'est quand même. Enfin, s'il y a Sony qui t'envoie un mail, tu vas l'analyser quand même. Oui, c'est sûr. Et voilà, c'est de ça dont j'ai oublié ma phrase tout à l'heure. C'est que, en fait, quand tu cibles quelqu'un et en fait que tu le rémunères pour ça, c'est. En fait, le chèque, c'est juste un droit à l'entrée par rapport à ceux qui vont pas te payer. Genre sur toutes les sur toutes les cibles que tu as, genre tous les gens qui vont te demander vas-y teste mon jeu, et ben si t'as 500 jeux, tu vas prendre celui qui te paye. Ça me paraît assez logique. Pour revenir à ce qui a été dit plus tôt, effectivement il y a des on suit plus à mon avis un YouTuber que le jeu qui est présenté en lui-même, et effectivement le jeu doit plus servir de support. C'est pour ça que comme un YouTuber a beaucoup est un influenceur, on va le contacter pour qu'il fasse la promo d'un jeu, mais faut pas forcément s'attendre à ce que on retrouve le nombre de followers du YouTuber en tant que client à son propre jeu. Et pour ça, j'ai l'exemple du jeu Splatoon qui avait été montré notamment dans la chaîne de Zerator. Splasher avec Thomas qui porte un beau t-shirt Splasher justement. Splasher ne s'est pas vendu autant que ça. Ça a été un succès critique, mais pas forcément un succès commercial. Et voilà, les vues de la vidéo de Zerator sur Splasher avaient été correctes, mais ça ne s'est pas répercuté forcément dans les ventes du jeu, parce que ce qui intéressait, c'était le YouTuber et pas forcément le jeu. Et d'ailleurs, dans ma façon de consommer les vidéos sur YouTube, effectivement, je suis abonné à des chaînes qui critiquent des films, des gens qui critiquent des films, par exemple. Je vais regarder toutes les vidéos qui sont produites par cette chaîne, mais je ne vais pas forcément regarder tous les films qui sortent, quoi. Ah oui, mais forcément. Mais ça, après, c'est le jeu aussi. Enfin, quand t'envoies un truc à un youtubeur, en fait, et c'est pour ça que t'as tendance à arroser large en voyant beaucoup de youtubeurs, parce que tu sais qu'il y a finalement un faible pourcentage des viewers qui vont finalement devenir des acheteurs, des futurs clients de ton jeu, en fait. Donc, c'est juste essaye de faire le plus de bruit possible, qu'il y ait le plus de gens possible pour que ce petit pourcentage fasse assez de monde pour que ton jeu y soit rentable. Généralement, il faut retenir la règle des 10%, c'est sur toutes les personnes à qui tu vas envoyer ton jeu, t'en as 10% qui vont accepter de le diffuser. Sur l'audience qu'ils vont avoir, t'en as 10% qui vont s'intéresser, et sur ces 10%, t'en as 10% de ces 10% qui vont acheter le jeu. Donc c'est sûr que ça fait des chiffres au final qui sont faibles par rapport à l'audience que tu captes, mais... Après, ça fait, selon les jeux, ça fait quand même des beaux chèques. Je me souviens aussi d'un billet de blog des développeurs de The Dragon Cancer aussi, qui avait un peu poussé une gueulante à l'époque, parce qu'ils disaient que comme leur jeu est très narratif et tout, il se fait en une fois. En fait, si t'as vu quelqu'un y jouer, t'as plus besoin d'y jouer derrière, en fait, t'as vécu le truc et il y a un peu cette impression là. Et du coup, ils avaient un peu, enfin pas rallié, mais ils avaient montré le problème qu'en fait leur jeu avait été énormément streamé, il avait été très populaire en stream, en let's play et tout. C'est un jeu qui est vachement intéressant, qui traite des notions, enfin des thèmes qu'on n'avait pas forcément vu avant dans le jeu vidéo. Mais en fait, ils disaient que ça s'était pas du tout répercuté sur les ventes parce qu'en fait, les gens avaient l'impression d'avoir déjà vécu le jeu avec la personne et du coup, ils l'ont pas acheté après. Et du coup, il y avait un peu ce truc là de. Mais du coup, en termes de droit d'auteur, est-ce qu'il y a pas un. Tu vois, il y avait une question en tout cas qui se posait sur ça. Et bon, après, je sais pas comment ça s'est fini pour eux, mais en tout cas, ils avaient posé cette question là dans un billet de blog, je me souviens. Oui, mais c'est sûr. C'est d'ailleurs intéressant de se poser la question de. Est-ce que tu peux faire en mode Nintendo, j'attaque tous ceux qui jouent à mes jeux, ouais. Si vous me rémunérez pas, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut être assez gros pour pouvoir ne pas se tuer en faisant ça, quoi. Ouais, mais après, comme tu disais, pour l'exemple des jeux narratifs, il y a certaines personnes qui vont juste regarder l'histoire et au final, c'est presque, ça revient à du piratage, quoi. Donc. Mais c'est ça, est-ce que les gens ils étaient là plus pour le jeu ou pour le youtubeur? Parce que si t'as vraiment envie juste de suivre l'histoire de The Dragon Consort et que tu n'as pas envie d'acheter le jeu, tu peux regarder non pas un let's play mais un walkthrough sans commentaire. Tu profites plus du jeu qu'avec quelqu'un qui te parle par-dessus, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Tu les as pas, en fait, j'arrive pas à le prononcer parce que j'ai un accent anglais déplorable, mais t'as beaucoup plus de let's play que de walkthrough. Mais bon. Oui, bah c'est-à-dire qu'un walkthrough, une fois qu'il y a quelqu'un qui l'a sorti, tu vas pas forcément en sortir un autre, ça n'a pas d'intérêt, alors que les let's play c'est... Ah mais des fois t'en trouves pas, ouais. Enfin, pour avoir fait beaucoup de recherches sur pas mal de jeux, pour de la documentation pour les miens justement, des fois tu trouves que des let's play justement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs j'ai remarqué sur Twitch, au moment où Detroit Become Human est sorti, qu'il était le jeu le plus populaire sur la plateforme de vidéo au moment de sa sortie du coup. Et je sais pas quels sont les chiffres de vente de Detroit. Bon, je pense qu'il doit quand même. C'est leur meilleur lancement, en tout cas, Quantic Dream, j'avais vu. D'accord. Bon. Il était numéro 1 des ventes en France à sa sortie. Donc, il a bien marché, quoi. Malheureusement, il a bien marché. Une future critique, peut-être ? Non, c'est pas. J'ai même pas joué au jeu, c'est juste par rapport aux conditions dans lesquelles il a été fabriqué, quoi. Les conditions de travail des employés et tout. C'est plus ça. Ouais. Bon, après, Quantic Dream n'est pas un exemple à part dans l'industrie du jeu vidéo, malheureusement. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais, et après, ça ferait un sujet. Indépendant, ça aussi. Ouais, je sais pas qu'on s'est embauché quelque part un jour. ouais, non, mais peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, alors Dead Dragon Consort, c'était un jeu narratif, mais est-ce qu'il y avait plusieurs embranchements scénaristiques ou bien non, c'était pas du tout. Non. Et c'est vrai que c'est un des moyens qu'on a avec les jeux narratifs d'essayer de lutter, on va dire, si c'est ça le mot, contre le fait d'avoir des let's play où on se dit on a tout vu. C'est ces choix d'embranchement, et c'est que quand tu veux faire une expérience narrative, en plus une expérience courte même aussi, des fois qui peut se poser ce problème là et bah après oui, tu peux avoir des personnes qui vont pas vouloir jouer à ton jeu. Après ça peut être dommage, après ça peut aussi être des gens qui, dans tous les cas, et c'est un peu le même principe des fois quand on parle du piratage, c'est des gens qui de toute façon auraient pas acheté ton jeu, et donc au final t'as pas vraiment perdu ces personnes là ouais. Oui, et Detroit, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, alors du coup, il s'est bien vendu, et pourtant, il a été très suivi sur Twitch, mais effectivement, il y a une certaine rejouabilité dans ce titre-là, puisque ta partie peut être totalement différente de celle de la personne que tu as regardé jouer. Mais ça peut être une façon de contrer un peu le... Justement, d'avoir des choix narratifs, ça permet aux gens de les inciter à acheter le jeu, plutôt que juste regarder un let's play. Oui, ça. Mais du coup, bon, c'est un problème quelque part, parce que si t'as pas envie d'inclure des choix narratifs dans ton jeu, c'est-à-dire juste envie de proposer une expérience linéaire comme dans The Dragon Consort, c'est. Tu fais un film. Bah, c'est pas la même chose. Hein. Tu fais du Quantic Dream. Ouais, mais non. Voilà, qu'est-ce que. Bah, après, il y a un type de vidéo dont on n'a pas parlé par rapport aux jeux vidéo, c'est tous ceux qui vont être dans la branche des vulgarisateurs, comme Thomas d'ailleurs, qui se servent du jeu vidéo comme support d'analyse ou qui analysent directement le jeu vidéo pour en retirer les mécaniques. Là, on va peut-être faire un peu de name dropping. Donc, on a déjà Thomas avec sa chaîne Game Spectrum. Et sinon, après, on a pas mal de personnes. Il y a Ashikara qui fait de l'analyse de jeux vidéo par rapport à son émission Touch My Level 1. J'ai un accent vraiment anglais déplorable. On a du Doc Gero qui vous parle un peu de game design sur sa chaîne, qui fait des petites analyses de jeux. Sinon, on a Game Next Door, on a du post-process et plein d'autres. J'ai une liste longue comme le bras, donc on va pas passer sur l'émission. Mark Brown qui est très souvent cité dans l'émission. Oui, c'est les anglophones. Ouais. Oui, ben ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien, puisque en fait, à partir du moment où je trouvais que ça se popularisait, parce que le jeu vidéo c'est un média assez obscur, on ne sait pas trop comment c'est fabriqué. Remarquez que dans les films, quand vous achetez un DVD ou un Blu-ray, j'espère qu'en 2018 c'est un Blu-ray, vous avez le making-of, vous avez dans les bonus souvent le making-of du film, vous avez ça assez rarement dans les jeux vidéo. T'es pas d'accord? Ça reste une technique quand même assez répandue de communication, c'est juste que ça a tendance à être là quand il y a des moyens, et c'est moins pour te montrer comment était fait le jeu que pour ajouter de l'affect pour les développeurs dans la communication du jeu, et c'est souvent très très enjolivé quand même. Et en plus ce qui est bizarre, c'est qu'étrangement je me souviens juste de vieux jeux qui faisaient ça, par exemple le premier God of War. Exactement. Tu débloquais le making of du jeu. C'était le truc le plus intéressant du jeu d'ailleurs. Non, arrête, le jeu était bien. Moi je suis pas d'accord, mais bon, c'était horrible pour moi, enfin bref. Mais oui, effectivement, mais moi je trouve que c'est pas le cas dans tant de gens que ça. Par exemple, je sais pas, là j'ai Life is Strange qui me vient en tête, qui avait un making of, God of War aussi, et là comme ça c'est les seuls jeux où je pense à un making of. Et maintenant il y a l'émission NoClip qui commence à faire des documentaires pour ils viennent d'en sortir un sur Fallout 76. Je sais plus si c'est eux qui en avaient fait un sur Doom ou si c'est une autre boîte, mais il y a maintenant c'est plus sur YouTube et des indépendants qui bossent avec les studios, j'ai l'impression. Ouais. J'avais beaucoup aimé juste aussi la tentative de Bennett Foddy avec Getting Over It, où il n'y avait pas un making of, mais quand même il expliquait la démarche en voix off, et je trouvais ça hyper cool en fait de jouer au jeu et d'être accompagné de sa voix qui nous expliquait sa démarche et tout. J'étais vachement touché par ça. Ouais, c'était Getting Over It with Bennett Foddy, c'est un exemple très intéressant, un jeu qu'on a assez nouveau dans le paysage vidéoludique. D'ailleurs, il prenait en compte la possibilité que des gens ne soient pas en train d'y jouer, mais en train de regarder quelqu'un jouer, dans parce qu'il y avait un commentaire. Parlait, ouais, voilà, c'est ça. C'est marrant parce que c'est un jeu qui s'inscrit vachement dans esthétiquement, il s'inscrit vachement dans la tendance qu'on appelle les jeux à youtubeurs en fait, qui ont des jeux qui on a l'impression un peu ont émergé en même temps que le succès des gros vidéastes qui faisaient des let's play ou comme PewDiePie, Squeezie et ces gens-là. Et où ils faisaient des jeux en fait où on aurait dit, après voilà, je suis pas dans la tête des développeurs, mais je sais qu'il y en a qui le font comme ça maintenant, qui pensent les jeux pour les youtubeurs. Mais en tout cas à l'époque ces jeux-là ressemblaient un peu à des jeux où, si je reprends mon analogie de la scène de théâtre, où le jeu et le décor de la scène de théâtre, en fait ils avaient pensé la scène de théâtre pour le youtubeur qui allait rentrer dedans et faire son jeu, et qui allait faire son show quoi. Je pense à des jeux comme par exemple God Simulator ou quoi, où il y a vraiment, où tu te dis genre seul ça pourrait être marrant 5 minutes, mais il y a un truc où t'as l'impression que c'est pensé vraiment pour amuser presque les youtubeurs, parce que c'est une espèce de bac à sable dans lequel ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent créer du comique assez facilement et tout. Et Bennett Foddy, j'ai l'impression qu'avec Coop, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait son premier jeu du coup, qui avaient fait des vidéos sur Coop, et j'ai l'impression que du coup avec son espèce de physique un peu bizarre dans tous les jeux qu'il fait, son rapport avec la frustration qui est facile à faire passer comme émotion en vidéo, j'ai l'impression qu'il est un peu sur ce terrain là et du coup c'est pour ça que je trouvais ça cool qu'il en parle en fait dans Getting Over It. Ouais, tout à fait. Et comment rebondir là-dessus, il y avait également du coup l'arrivée de la 8ème génération de consoles avec la PS4, et alors je sais pas s'il y a cette fonctionnalité là aussi sur Xbox One, mais en tout cas sur PS4 vous avez fonction share. Voilà, ouais. Sur la manette de PS4 vous avez carrément le bouton share qui vous permet de partager vos meilleurs moments directement sur Twitch, je crois d'ailleurs. Ça permet d'uploader directement sur Twitch ou... Il y a un mode stream depuis la PS4 sur Twitch, ouais. Ah. Mais le share, ça pouvait poster sur Facebook aussi, c'est toi qui choisissais, je crois. Ouais, et après, tu peux aussi. Je sais qu'il y a tout un mode sur la PS4 pour regarder directement des gens qui jouent. Tu peux dire, bah, là, je stream, mais sans plateforme particulière, juste sur la plateforme, enfin, sur le serveur de Sony, quoi. D'accord. Je sais que mon petit frère, quand il joue à la PS4 et qu'il veut découvrir un peu un jeu, il va directement sur let's play du jeu et il se dit, bon, ok, ça ressemble à ça. Ouais, bah oui, du coup la 8ème génération de consoles, et les constructeurs ont pris conscience de l'envie des gens de partager leurs expériences avec d'autres personnes. Ils ont pris conscience de la popularité toujours grandissante des médias sociaux et les ont inclus directement à leur propre système. Et du coup ça me paraît pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs il y a également les modes photos qui ont fait leur apparition dans les jeux vidéo, dans Uncharted 4, dans God of War, dans Batman Arkham Knight. Évidemment ce sont des modes desquels je ne suis pas friand non plus, mais j'imagine tous les jeux de voiture, tous les Need for Speed, tous les Forza, ouais. Tous les trucs comme ça, enfin de toute façon tu fais mode photo, c'est un simulateur de fond d'écran quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'ailleurs maintenant il y a même des artistes qui s'emparent de ça. Moi j'ai un ami qui fait maintenant de la photographie dans le jeu vidéo, comme enfin il me semble qu'il y a même des expositions maintenant de ça et tout, c'est devenu un vrai truc et il y a vraiment une pratique intéressante C'est ça, je trouve. Ouais, mais je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui fassent également des films, peut-être même en stop motion. Bah ça, c'est même c'est vieux, c'est les Machinima. Les Machinima. En 2010, on avait ça sur Halo. Moi, je me souviens les Machinima sur Halo Reach aussi et tout. Ouais. Mais je sais pas si les gens savent ce que c'est les Machinima. Mais par contre, après, j'ai oublié le nom du titre, mais je sais qu'il y a un jeu justement qui est où c'est le concept. C'est tu prends t'as ton univers avec tes personnages 3D et tout, et tu vas créer tes scènes de cinéma avec ton placement de caméra, etc. Et j'ai complètement zappé le nom du jeu. Je crois que ça s'appelle The Movie ou un truc comme ça. Non, vraiment, je crois qu'il y a Movie dans le titre. Tu crois que ça serait aussi bête que ça? Ouais. Non, mais ça, je crois que c'était ça. C'était un jeu fait par Peter Molineux, Monsieur Fable. Donc il y avait c'était ce film là, je crois que c'était la génération PS2 et compagnie. Ouais, c'était des modèles, enfin de mémoire les graphismes c'était fin PS2 on va dire. Et après par contre les possibilités que tu pouvais faire c'était quand même assez génial pour un apprenti cinéaste, tu passes par là, t'as du contenu à vie juste en achetant un jeu quoi. Et t'as pas besoin d'acheter du matériel et tout, t'as juste ton environnement qui est un jeu dans lequel tu vas t'amuser à placer ta caméra, à faire ta mini court-métrage sans demander à papa de l'argent pour acheter ta caméra. Je me souviens que sur Skyrim aussi il y avait des gens qui faisaient des trucs incroyables si tu avais les moyens en modant tu vois, d'avoir la caméra libre et de mettre des trucs, et il y a des gens qui faisaient des films incroyables sur Skyrim. Je me souviens une époque où j'en matais plein, c'était trop cool. T'as des noms à lâcher ou... J'ai aucun souvenir des noms, mais je pense que tu tapes Skyrim, Machinima ou un truc comme ça, tu devrais trouver des choses. D'ailleurs Machinima pour préciser, quand il y a des gens qui ne savent pas, c'est un mot valise qui comprend du coup les mots machine, cinéma et animation. C'est donc des films réalisés à partir de séquences de jeux que vous récupérez, que vous montez pour faire une histoire. Le premier Machinima sorti, je crois que c'était, ou peut-être celui qui a popularisé le truc, mais je crois que c'était le premier tout court, c'était Diary of a Camper, je crois, du jeu Quake. Bref, souvenir de dissert de game design. Mais dans les jeux qui prenaient en compte aussi juste le fait d'avoir qui vont être diffusés et tout, c'est Darwin Project aussi, je pense récemment, qui est un Battle Royale et qui est sorti un peu après Fortnite et tout ça. Et qui en fait c'est à 10, donc t'as 10 joueurs sur la map et t'as une personne, c'est un réalisateur en fait qui peut du coup sur Twitch en fait faire voter des actions qu'il va pouvoir faire. Donc sur la map il peut balancer des bombes atomiques sur les joueurs, il peut fermer des zones plus vite ou quoi, donc il a plein de possibilités, il peut aider des joueurs aussi, il peut demander aux gens s'il fait un live de voter pour les trucs qu'il va faire et tout. Et donc il y a tout un rapport justement au spectacle et à la vidéo qui s'inscrit en même directement dans le jeu en fait, qui est pensé pour ça. Très content que tu mettes enfin le nom sur le jeu que j'avais en tête, puisque en préparant cette émission effectivement je savais qu'il y avait un Battle Royale qui proposait à un joueur de tirer les ficelles un petit peu de la partie. Je ne savais plus à me souvenir de quel putain de Battle Royale c'était. Du coup, enfin, merci Thomas, c'est l'épiphanie. Et oui, ça c'est très intéressant, ça prend complètement en compte du coup le fait que la partie est suivie sur Twitch. C'est... Également, il y avait ce jeu, les derniers Telltale depuis Batman, ils ont cette fonctionnalité crowdplay qui permet en fait aux gens de voter également les choix qui sont proposés aux joueurs. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à un tel tout seul, et si vous voulez, vous pouvez lancer ce mode crowdplay en fait, et du coup vous permettez aux joueurs ça va de 2 à 2000 joueurs, je crois, c'est un peu beaucoup, je crois. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent à 2000? Ouais, remarque avec Twitch peut-être. bref. et donc du coup vous jouez avec d'autres personnes, ils votent, et à la fin j'ai du mal à expliquer un truc qui est simple comme aujourd'hui, que vous avez tous compris ici, c'est que le choix qui a remporté le plus de votes, du coup, c'est celui qui est validé par le jeu. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu qui, c'était un espèce de, enfin, c'était un Zelda, je crois, de mémoire, qu'ils avaient retravaillé de façon à ce que, en fait, il puisse être joué à énormément de joueurs en même temps, mais que, en fait, que chaque joueur qui appuyait sur un bouton faisait une action dans le jeu. Ça me fait penser à Twitch Plays. Pokémon, ouais. Ouais. C'était un Pokémon, ouais, peut-être un Pokémon. Après peut-être qu'ils l'ont étendu à autre chose, mais au début c'était Pokémon qui avait fait ça. Et que du coup en fait c'était une folie, parce qu'il fallait que tous les gens qui voulaient participer se mettent d'accord pour faire telle action à tel moment. Et du coup il y a tout un système démocratique qui s'était mis en place pour que justement les actions aillent dans le bon sens. Ils avaient réussi à finir le jeu en plus. Après. Ouais, mais c'est ça qui est beau quoi. Ce qui montre que l'autogestion ça peut marcher. Non, mais après tu vois, c'est pour tout cet aspect aussi communauté que tu peux retrouver du coup par la vidéo, parce que en fait ce genre d'expérience ça aurait pas pu arriver si t'avais pas des plateformes de partage, un partage de vidéos. Je pense à Minecraft directement carrément, qui est sorti en 2010, donc je pense sans conscience vraiment des youtubeurs, c'était pas encore un truc comme ça, et Minecraft a émergé en même temps que les youtubeurs qui ont commencé à y jouer quoi. Je pense à Fantasio 974 en fait, qui était un premier, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et vraiment, en fait, le jeu est tellement profond et tellement de choses à faire que genre t'es forcément curieux de dire bah, comment les gens ils font ça, comment ça marche. Et du coup, il y a un truc communautaire qui se met en place où chacun s'échange les vidéos YouTube, machin et tout. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre presque. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense même que c'est Minecraft qui a lancé la mode du YouTuber gaming. Hein, parce qu'avant, à part 2-3 Diablo X9 et. Enfin, Monsieur le V12 et des gens comme ça qui jouent à Call of, t'avais pas grand monde quoi. À part des vidéos, ouais, FIFA et Call of. Et après, depuis Minecraft, ça s'est démocratisé. Moi j'ai commencé sur Call of en faisant des vidéos sur Call of en 2011. C'est vrai ? Ouais, j'ai commencé, je regardais Diablo X9 et Bismuth 3 et je voulais faire pareil. Et en 2011, je me suis lancé, je faisais ça. Ah ouais. J'ai commencé comme ça. Ouais. Bon, j'étais un gamin, hein, donc j'ai une excuse. Hein, mais... Est-ce que ces vidéos sont encore sur ta chaîne ? Non, elles ont disparu. Ah, il y en a une parce que je l'avais fait. Alors, ça, c'est un secret. Première ici, j'avais fait une vidéo avec un autre mec qui devait avoir le même âge que moi, genre, doit avoir 15 ans. Et on a fait une vidéo ensemble et elle est sur sa chaîne. Et lui, il a disparu, tu vois, et il a jamais enlevé la vidéo sur sa chaîne. Donc, vous avez une vidéo avec moi dedans à 15 ans qui fait une tentative nuque avec un mec random sur Modern Warfare 2. Donc, voilà, si vous trouvez ça. Oula, ouais. Le petit truc de rompé. Bon, faites un truc à Thomas si vous trouvez. Et on a trouvé la vidéo. Ouais, j'ai aussi pensé au jeu épisodique en fait, qui profite bien de la popularisation des médias sociaux, puisque. Comme une série télé, finalement, vous pouvez, au terme de votre épisode, ce qu'on a moins tendance à faire, je pense, j'ai l'impression, avec un jeu qui a une durée de vie de 10-15 heures d'emblée, on consomme un petit peu les jeux épisodiques comme on consomme une série télé, on les joue d'une traite et on est tenté de partager l'émotion qu'on a ressentie sur le final de l'épisode directement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est bien sûr prise en compte dans le marketing de ce modèle économique-là pour les jeux épisodiques. Également, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur l'exemple de Life is Strange, si vous avez joué à Life is Strange, ou même si vous n'y avez pas joué, vous devez avoir entendu parler du fameux niveau de l'épisode 2, il me semble, dans la décharge, où il fallait récupérer des bouteilles. Un niveau qui a fait râler pas mal sur internet parce que l'une des bouteilles était cachée dans un endroit relativement improbable. Et bref, du coup, ça c'était dans l'épisode 2. Épisode 5, il me semble, dernier épisode de la saison 1. On est dans un monde un petit peu cauchemardesque. Et là, le personnage de Chloé, de Max, l'héroïne, retombe sur des bouteilles à collecter. Et là, elle fait « Oh, c'est pas possible, je dois être dans un cauchemar. » C'était un clin d'œil très intéressant. Du coup, du fait que si le jeu était sorti avec ses 5 épisodes d'emblée, du coup, dans un seul et même jeu, évidemment qu'on n'aurait pas eu ça, puisque les gens n'auraient pas pu réagir suffisamment vite à ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Et donc là, du coup, il y a vraiment une prise en compte du retour des joueurs entre le temps qui séparait du coup ces deux épisodes-là. Oui, il y a une forme de création collaborative, c'est vachement cool. Ouais, c'est pas mal. C'est ce qu'on retrouve de façon complètement assumée dans les Early Access quoi, maintenant aussi. Où c'est pensé, en fait, ça sort à l'avance pour que les gens puissent échanger sur la création. Même il y a des jeux qui sont pensés pour rester des Early Access. Hein. Ouais. Bah, Minecraft, pour moi, c'est un Early Access permanent, tu vois, par exemple. C'est un moment juste, niveau marketing, ils se sont dit, bon, là, on sort le jeu, mais... Oui, sinon, il est en permanence, mais il est tout le temps en mutation, ouais. C'est ça, c'est un peu comme je vais partir sur les MMO, tu vois, les MMO c'est des jeux qui évoluent tout le temps quoi. Ouais. C'est juste qu'à partir d'un moment ils ont un stade qui est on va dire relativement fini pour que il y ait le nom du jeu qui sorte commercialement, mais sinon après l'évolution est constante. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Souvent on entend les artistes dire que ils terminent jamais leur création vraiment. À un moment donné, ils décident de la publier, mais ils auraient pu continuer à bosser dessus pendant encore très longtemps. C'est juste qu'à un moment donné, ils se sont dit stop et on le sort. Et un film, une fois qu'il est sorti, bon bah il est sorti. Après, tu peux toujours faire une version director's cut, mais tu vas faire ça une fois, tu vas pas le faire 10. Un jeu vidéo, vous pouvez constamment le mettre à jour. Et en plus de fait, du coup, vous c'est le principe des jeux, des games as a service à la Rainbow Six Siege. L'intérêt du jeu se prolonge constamment en fait. L'intérêt du jeu est constamment renouvelé, ce qui lui offre une durée de vie relativement infinie. Et ça, c'est très bon également effectivement pour les let's play, les Twitch, etc. Ouais, pour avoir du nouveau contenu, pour faire parler à la communauté. Enfin, de toute façon, c'est toujours la même boucle. Hein. C'est les plateformes de diffusion, YouTube, Twitch, PresseJV, qui veulent du contenu pour attirer les consommateurs qui viennent voir. Les éditeurs qui ont besoin de l'audience de ces plateformes pour attirer les viewers, pour qu'ils achètent leurs jeux. Et ça fait une boucle virtuelle comme ça. Quoi. Donc. Ouais. Ouais. Mais je vous propose qu'on passe à une petite pause musicale avant de reprendre. Cette pause musicale, Thomas, c'est toi qui l'as choisie. Est-ce que tu veux nous la présenter? Oui, bah du coup, c'est une musique que j'avais utilisée dans une de mes vidéos, mais que j'aime beaucoup. C'est du groupe Wolfpack, qui est un groupe américain qui fait de la funk assez débridée. Ils sont assez rigolos. Je vous conseille d'aller jeter leur chaîne YouTube parce qu'il y a tout un lore Wolfpack avec des mèmes qui sont cachés. Si tu regardes les vieilles vidéos, toutefois, c'est assez fou. Ils font pas que de la musique, quoi. Ils vont un peu plus loin que ça, mais leur travail vidéo est vachement intéressant. Et c'est une musique qui a des airs de Sonic pour moi, donc je trouvais ça approprié. C'était Wolfpack de Sky, du groupe. Vas-y Thomas. Wolfpack, le groupe SkyMall, c'était le titre de la musique. C'est ça. Hein. Oui. Très bien. Du coup, on va revenir au sujet. On se demandait comment est-ce que les développeurs intègrent à leur jeu ces différentes plateformes de vidéo, et quel impact ça a sur la création et la conception d'un jeu vidéo, tous ces nouveaux médias sociaux. Ouais. Tu veux commencer avec Astre Avec Astre. Ouais. Pas forcément avec Astre, plus sur le grand principe qu'en fait avec ça, c'est un moment où c'est devenu le jeu autrement que d'être intéressant à jouer. Il faut qu'il soit aussi intéressant à regarder et pas que pour des bandes annonces qui claquent, vraiment pour le public sur YouTube et sur Twitch. Et là, bah, tu les vois, les gros succès récents, même sans aller, tu vois, on parlait de Battle Royale, même sans aller chercher un Battle Royale qui met directement le côté string dedans, je veux dire, un PUBG, un Fortnite, il est fait aussi pour être regardé. Là, c'est même plus pour voir soit des joueurs qui jouent vachement mieux que toi, soit même juste pour, comme on parlait du côté affect avec le YouTuber, le streamer. Et bah c'est plus aussi pour juste bah tu suis ce mec là qui est dans ses parties tranquilles sur PUBG et qui juste bah tu vas un peu apprendre plus sur son univers, sur ce qu'il aime pendant qu'il joue en fait. Et je pense que là il y a le côté soi, il y a le côté compétitif, mais je pense aussi par exemple, et PUBG je sais pas, je pense que c'est un peu voulu aussi, il y a un côté où ça met la partie mais quand même un certain temps à démarrer sur le côté action. Et ça laisse aussi, je pense, le temps, c'est un truc qui peut laisser le temps, du coup, par exemple, au streamer, justement, de parler plutôt que d'être tout le temps à devoir rester concentré et à jouer. ça lui laisse le temps de parler tranquillement. Je pense que des jeux comme Sea of Thieves aussi. Mais tu crois que c'est pensé ça? Le fait qu'il y ait une phase d'attente. Parce que je pense que de toute façon c'est pensé dans le rythme. Et vu que c'est des jeux qui sont quand même pensés aussi pour être regardés, je pense que plus ou moins directement ça doit être pensé pour ça. C'est laisser une fenêtre au streamer pour qu'il ait ses trucs à dire en plus de l'action frénétique qu'il va avoir derrière, quoi. Ok, parce que je pensais que c'était moi de mon point de vue c'est plus le gameplay qui fait ça, parce que t'es dans une phase en fait de recherche, d'exploration, de trouver tes armes, et donc de fait c'est une phase où il y a moins d'action. Mais je pense qu'il y a sûrement un heureux hasard aussi à mon avis. Ouais, je pense que c'est un peu plus un truc comme ça, mais ça peut faire une double utilisation au final. Ouais. Utiliser le de toute façon, c'est de base, même sans les jeux que tu regardes ou autre, c'est un, quand tu fais du rythme, t'as des moments très calmes, des moments plus action, et là ça peut vraiment profiter. Ouais, c'est sur sûr. Le côté streaming, à dire on te laisse le temps de parler, d'interagir avec ton chat, de tous ces trucs là avant que tu puisses plus vraiment parler, parce que sinon tu te fais flinguer. Là, même pour reprendre l'exemple de PUBG aussi, PUBG c'est un jeu qui a eu très vite un mode spectateur très bien pensé en fait pour l'e-sport et pour les compétitions et pour tous ces trucs là, avec une caméra libre et tout, que Fortnite a mis plus de temps à mettre en place. Je voyais des streamers qui râlaient par rapport à ça, et ouais, PUBG il a directement vu ça comme un truc intéressant. Et là on peut même faire le lien avec l'e-sport en fait, parce que l'e-sport c'est un truc qui marche très bien chez les youtubeurs et les streamers. Enfin, le plus gros streamer aujourd'hui c'est un joueur d'e-sport, c'est Ninja. Donc on voit qu'il y a un lien avec la performance aussi, et du coup les jeux doivent penser en fait, quand ils pensent leur jeu, souvent, enfin les jeux qui veulent être compétitifs ou qui veulent être regardés sur Twitch ou YouTube, c'est pas le cas de tous les jeux mais il y en a beaucoup, ils vont penser du coup l'aspect on va être regardé, mais ils vont penser du coup l'aspect sport aussi, et comment ça peut comment on crée un truc qui est bien pour le sport, et comment ça s'intrigue du coup avec le fait d'être bien, être regardé aussi, je pense. Pour se faire regarder en fait, il y a pas énormément de choses qui font qu'un jeu devient viral dans le sens où tout le monde en parle. C'est il faut que soit ce soit un jeu qui soit relativement complexe, de façon à ce qu'un joueur seul n'arrive pas à comprendre la totalité du jeu, et donc qu'il ait besoin de tutos, qu'il ait besoin d'entraîner avec d'autres joueurs, qu'on a pu avoir dans Minecraft. Bon, en fait, tout le monde faisait des tutos pour tout le monde s'échangeait des informations, et du coup, ça a fait une effervescence pas possible. Ou sinon, il faut qu'il y ait un aspect justement compétitif, et qui arrive sur de l'e-sport, quoi. Où tu regardes les compétiteurs pour observer comment ils jouent, t'améliorer toi-même, ou simplement juste pour la beauté du jeu, te dire waouh, il a fait des trucs de ouf, comme quand tu vois une retournée de Zidane à la télé, quoi. C'est pour ce genre de spectacle. Là, il y avait le 3 récemment, il y avait une compétition de Fortnite, et je me suis vu passer partout le fait que Gotaga avait battu Ninja en 1v1, tu vois, c'était le truc, l'événement, quoi, tu vois. C'est fou, quoi. Ouais, c'est exactement comme le sport, quoi. Ça fait bouger des foules, c'est exactement le même principe. Coupe du monde, là, tout le monde est derrière la France, tout le monde veut voir son équipe gagner. Les streamers, c'est pareil, chacun a son petit favori, donc tu veux qu'il gagne, quoi. Ouais. Après tu fais des compétitions là-dessus, et c'est pour ça en fait quand tu développes le jeu, il faut que tu penses ton jeu, ça dépend ce que tu fais, si tu vas faire du narratif et tout, mais moi qui fais un jeu qui est axé sur le score, je vais essayer de le penser de façon à ce que tout l'aspect compétition et tout l'aspect les gens vont parler du jeu, ils vont partager des choses, ils vont partager le score, ils vont streamer, c'est des éléments qui sont à prendre en compte dans le développement, quoi. C'est surtout tout ce qui est partage. Mais quand tu vois que Fortnite, ils ont annoncé mettre 100 millions de dollars dans la scène e-sport juste pour leur jeu, c'est là que tu vois que c'est un truc qui est intéressant à développer, quoi. Ouais, mais ça fait gagner des sous, hein. C'est... Après, t'as l'exemple tout con, mais Flappy Bird. Flappy Bird, c'était quoi? Ça a marché pourquoi? Ça marchait parce que t'avais un jeu ultra difficile et que tout le monde faisait... Dès que t'avais un point de plus que ton pote, tu repartageais. Ça fait un effet boule de neige énorme parce que... c'est un jeu, c'est quoi? C'est 10 secondes à installer, le truc qui fait 40 kilo-octets, tu mets ça sur ton téléphone, c'est ultra viral, quoi. Un jeu où t'as pas de contraintes pour le télécharger, où t'as pas de où la prise en main c'est juste appuyer sur un bouton pour sauter, et partage de tes scores avec une difficulté qui est quand même assez extrême, du coup t'as un mélange explosif, et c'est là où t'arrives sur des jeux... où tu te rends compte qu'en fait le modèle free-to-play c'est ce qui est le plus adapté, donc des jeux comme Fortnite et tout, où si t'as envie que ça explose de façon virale, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Mais Pokémon Go, par exemple, ouais, c'est ça. Qui a explosé à l'époque où il est sorti, ouais, c'était ça aussi. C'est ça, tu télécharges un truc, tout le monde a un téléphone, tu télécharges un truc qui est gratuit, Et voilà, forcément, ça devient ultra viral, surtout avec un truc comme Pokémon. Quoi. Mmh. Et les gars, venez, on va chasser des Pikachu dans la rue. Ouais. D'ailleurs, ça avait permis à Davidia d'être assez créatif à ce moment-là, parce que du coup, la scène de théâtre, pour l'analogie, était vachement modifiée. Parce que du coup, je me souviens des vidéos de PewDiePie, tu vois, ou de Squeezie, où ils sortaient. Il créait tout un scénario pour ça et tout. Je me souviens de PewDiePie qui finissait dans la mer. En Angleterre, tu vois, pour aller chasser un Pokémon aquatique, tu vois, il y avait tout un truc où ça permettait d'être assez inventif, tu vois, aussi à ce niveau-là, c'était assez drôle à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas mal. C'est... La difficulté, tu l'évoquais, notamment pour Flappy Bird, Guillain, effectivement, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut regarder un let's play aussi, c'est de voir la performance du joueur. Basiquement, tout le monde n'est pas capable d'aller très très loin dans Flappy Bird, ça peut être intéressant, alors que c'est pas un jeu ultra, ultra magnifique, c'est des sprites repiqués chez Mario, etc. Mais tu peux regarder ça juste pour voir, pour être impressionné par la performance d'un joueur. Et également, ça peut être, alors là, du coup, si, juste parce que c'est la personne fait preuve de skill et parce que ce que tu vois est impressionnant, je pense que des jeux comme Cluster Truck, Super Hot, ça a bien dû marcher aussi dans les let's play. Donc, ça serait quand même un mode sur Twitch où tu peux voter pour acheter la difficulté, ouais. Genre des obstacles et oui, tout. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça a été pensé pour. Mais c'est en fait tous les jeux un peu difficiles, tous ceux qui vont être dans la veine des Super Meat Boy, tous les trucs comme ça, c'est très facilement streamable ouais. En fait. Ouais, ouais. Par contre, le truc, c'est que c'est très facilement streamable, donc du coup, c'est à l'avantage du streamer, pas forcément à celui du développeur. Par exemple, Fury, on l'évoquait lors de la dernière émission sur l'accessibilité dans les jeux vidéo. Damien nous disait qu'il n'arrivait pas à aller très loin, qu'il a passé le jeu en mode facile et qu'il n'a pas réussi à aller plus loin que le 8ème boss. Je suis pas allé plus loin que le premier, donc. Non, mais voilà, Fury est un jeu assez difficile. Il n'y a pas énormément de gens qui sont capables d'arriver jusqu'au bout. Du coup, là, ça peut être intéressant également de regarder un stream du jeu, parce que c'est tout de même un jeu qui a une bande originale super cool, qui a une direction artistique sympa, une histoire. Alors, il paraît que la fin est intéressante. Il y a un petit twist sympa. Ouais. Je suis à la fin, mais pas complètement. Alors que j'ai dit dans la dernière mission que j'avais fini. Voilà. Bref, mais là, du coup, c'est l'occasion. Si vous n'arrivez pas à terminer un jeu, vous pouvez regarder comment ça se passe avec un streamer. Mais du coup, ouais, c'est à l'avantage du streamer. Ce que j'ai fait pour The Last of Us d'ailleurs. Mais... Ouais. Ah oui, oui. Ah, mais t'as été bloqué sur The Last of Us. Non, mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté le jeu parce que je trouvais ça trop long. Et je me suis dit, tout le monde dit que la fin est ouf, je vais regarder ça dans une vidéo. Quoi, tu vois. Moi, c'est aussi un truc que je trouve dommage, c'est que je trouve maintenant les jeux sont trop longs et du coup, tu préfères regarder un let's play pour pas te prendre la tête à passer des heures devant ta console. Mais moi, le dernier God of War, vraiment, je sais que je le finirai jamais parce que l'histoire, il a l'air d'avoir une histoire construite et tu vois, qu'il y a un truc à dire et tout. Mais en fait, elle est tellement étalée dans un jeu avec des trucs qui servent à rien, collecté partout, avec un monde ouvert qui n'a pas lieu d'être sur plein d'aspects, tu vois. Il y a un truc aujourd'hui du jeu vidéo assez penché en fait. Là, je pense que ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo en fait. Mais il y a un truc comme ça du jeu vidéo à te garder captif le plus longtemps possible. Et le jeu service, c'est ça en fait. Et c'est un truc qui peut être délétère autant pour le contenu du jeu, c'est-à-dire pour le scénario, pour tout ça, autant aussi pour les joueurs en fait qui vont perdre du temps vraiment à errer dans des mondes qui n'ont pas lieu d'être à être aussi grands en fait. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est, à part si tu fais un gros RPG Witcher ou à la Skyrim, où là, enfin, chaque quête que tu fais, c'est un élément de l'histoire. Ouais, la grandeur a du sens, quoi, ouais, clairement. Alors mais... que des Ubisoft games, c'est ça. C'est pas pareil. Ouais, pareil, Assassin's Creed Origins, en fait, après 25 heures à faire des quêtes secondaires, tu vois, bah la quête principale, fuck it, quoi, tu vois, je l'ai pas fait, quoi. Ouais. Je me suis arrêté. Après, c'est sûr que les Game as a Service, comme tu dis, c'est les jeux qui vendent le plus. C'est ça qui est, c'est pour ça d'ailleurs que les gros éditeurs se penchent là-dessus. Ouais. Mais d'ailleurs, Assassin's Creed, pour moi, c'est un Game as a Service maintenant. Enfin, Origins, tu regardes, t'as des quêtes qui arrivent de façon journalière, avec des interactions avec d'autres joueurs et tout. T'as des quêtes secondaires qui reviennent tous les jeux. Enfin, t'as vraiment des trucs qui font que tu peux y passer des heures sans faire la quête principale. Hein. Moi, j'écoutais les podcasts en fond et j'ai joué des heures comme ça. Bah, c'est pour ta petite piqûre de drogue en mode ouais j'ai réussi un truc, circuit de la récompense, tout ça. Aller voir Doc Gero pour ce dont je parle. Et après, c'est les trucs dont tu dois réfléchir si tu veux faire un jeu qui se vende très bien. Mais après, je pense que la méta du marché, ça va changer un peu. Parce que là, comme je dis, on se retrouve avec des jeux qui sont trop longs et que personne finit. Donc à un moment, je pense que ça va se raccourcir pour avoir des expériences qui sont un peu plus percutantes et essayer de dériver de là où on part avec le marché du jeu vidéo. Bah ouais, je sais pas parce que ça se vend quand même. Hein. Ouais, mais moi, tant que ça se vend, ça va pas changer. Mais tu vois, c'est des modes pour moi. C'est comme les gens sur YouTube qui font du détourage blanc à faire des têtes comme ça, kawaii, à faire des grimaces. tu vois, pour moi, c'est vraiment des modes parce que moi, maintenant, dès que je vois une vidéo comme ça, mais j'ai une sorte de haine qui se met en moi en mode tu sais même pas pourquoi tu fais ça. C'est le mec qui fait ça parce que on m'a dit ça marche. Tu vois, le jeu vidéo peut, actuellement, enfin sur les gros blockbusters, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, ils font ça parce qu'on leur a dit ça marche. Mais moi, j'attends le nouveau genre, tu vois, qui va balayer tout ça et qui va revenir sur du truc un peu plus artistique. Ouais, je pense que. Après, tu peux pas attendre des triple A de faire ce que tu dis là. C'est juste qu'il y a plusieurs branches. Les triple A, ils ont leur jeu solo avec beaucoup d'aisons RPG, ils ont leur jeu service. Et après, ces trucs-là, tu peux aller chercher du côté du double A. Et sinon, ce que tu peux voir aussi sur le côté intéressant aussi à voir, c'est du côté des systèmes de jeu, en fait. Quand tu fais des systèmes assez profonds et intéressants, comme par exemple dans du Zelda Breath of the Wild, où tu vas aller regarder les mecs juste, même pas pour un tuto, même pas pour les voir jouer mieux que toi, mais pour les voir jouer différemment. Ouais. Comme quand tu voyais la vidéo du mec qui s'est fait un planeur avec un petit bateau, il a pris un ou deux objets du jeu, il a vu qu'avec ça tu pouvais voler. Et donc c'est ça aussi qui peut, de la même manière que je parlais avec les embranchements dans les jeux narratifs, les embranchements dans le gameplay, c'est des systèmes et du level design qui te laissent assez de choix et du coup de rejouabilité qui peut être fait du coup des fois aussi justement comme tu voulais des expériences plus courtes. Il y avait Hitman qui avait essayé de faire ça sur ses épisodes qui durent je sais pas qui sont assez courts, qui sont distribués au fur et à mesure et qui sont très très rejouables. Et ça c'est partie des trucs qui peut être aussi intéressant à streamer, à regarder, parce que même voilà, le mec c'est même pas la performance ni rien, mais il va juste jouer le niveau d'une autre manière. Toi par exemple, t'as fini le jeu, tu dis c'est bon, tu maîtrises, et puis tu regardes et puis tu vois qu'en fait il y a d'autres manières. Ça peut te donner envie parfois d'essayer ça te fait relancer le jeu. Ouais, je pense à un vidéaste qui faisait ça justement, américain. Alors je crois que c'était Rabbit Respawn le nom, mais je peux me tromper, qui en fait s'était fait connaître, il avait genre 50 000 abonnés. C'était vachement sympa, il faisait des vidéos sur des jeux comme ça avec une profondeur de gameplay comme Dishonored. Et en fait, il faisait des compilations de moves super cool qu'il arrivait à faire. Genre, Dishonored, il faisait des trickshots de ouf et puis il enchaînait les ennemis, tu vois, de façon hyper créative parce que le jeu le permettait. Et en fait, il montre ça avec une musique un peu dynamique et tout. Et il faisait des vidéos qui étaient vraiment hyper intéressantes. Quoi. Quand tu as joué à Dishonored et que tu vois comment lui il joue, tu te dis, mais il arrive à un niveau de maîtrise du système et d'ingéniosité, de créativité qui est hyper intéressant. Et du coup, dans ces jeux qui ont une profondeur de gameplay, il y a une créativité qui peut s'exprimer grâce à la vidéo sur YouTube aussi. Et qui est vachement intéressante, notamment avec ce qu'il faisait lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans l'industrie du triple A, souvent quand on crée des mécaniques de jeu, des features, on les crée de sorte à ce que on les implante dans le jeu de sorte à ce que le joueur ne puisse pas passer à côté. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des jeux assez peu élégants, c'est-à-dire que va y avoir plein de mécaniques de jeu à l'intérieur du jeu et il va falloir que le joueur mémorise plein de façons de les activer avec des combinaisons de touches improbables. Et chaque feature a une seule utilisation. Là où dans un jeu comme Mario par exemple, qui est un jeu beaucoup très élégant, un exemple d'élégance, où avec le saut de Mario vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez tuer les ennemis, vous pouvez exploser des blocs, vous pouvez, c'est ce qui vous sert à aller sur des plateformes, etc. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses avec seulement deux boutons. Et également, oui voilà, Zelda Breath of the Wild c'était un... Est-ce que on peut considérer que c'est un triple A? Je sais jamais qu'est-ce qui définit un triple A. C'est le budget, mais je pense que oui, Zelda, c'est. Mais tous les jeux Nintendo. C'est plus là la limite. La question, c'est de dire est-ce que les jeux service c'est pas du coup des quadruples ou quintuple A du coup. Ouais. Et Zelda, en fait, dans Breath of the Wild, ils avaient déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les joueurs, au cours de leur partie, ne découvrent que genre 30% du gameplay total du jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement dans les AAA, comme je vous l'ai dit. Si vous investissez dans des features, vous tenez à ce que le joueur ne passe pas à côté. Et du coup, c'est intéressant, effectivement, de voir que ce que vous n'avez pas vu comme feature dans votre jeu, au cours de votre partie, vous pouvez la retrouver dans un let's play, et ça donne effectivement de l'intérêt supplémentaire à la vidéo qui est faite de votre jeu sur Internet. Après, par rapport à ce que tu dis, oui et non, hein, parce que, que les AAA, ils veulent que tu passes pas à côté des features. Enfin, en vrai, tout ce qui leur compte pour eux, c'est que tu achètes le jeu. T'achètes le jeu, que t'aies des bonnes critiques, parce que si tu regardes, t'as quasiment tous les jeux où il y a moins de 20% des joueurs qui terminent le jeu. Mm-hmm. Et donc, en soi, le studio il a investi pour la fin du jeu, mais pourtant personne ne la voit. Attends, je vais trouver un contre-exemple, j'ai trouvé une défense à cet argument-là. Non, mais là je pense que tu parlais plus en termes de toutes les features doivent être utilisées pour avancer dans le jeu. Et donc, c'est par exemple l'exemple que tu peux avoir entre par exemple le dernier God of War qui va te forcer plus ou moins à utiliser son système de progression, il va falloir que tu fasses tous ces trucs là si tu veux avancer correctement, tandis que par exemple un Zelda va te dire t'es pas obligé d'aller chercher les meilleures armes, t'es pas obligé de t'es pas obligé de cuisiner pendant des heures pour que ça se passe bien. Et les jeux d'Arkane, les Dishonored et les Prey ont aussi ce parti pris là de dire on va faire beaucoup de choses, on sait qu'il y a des choses que les joueurs vont pas faire, vont jamais toucher. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce que t'investis énormément d'argent et t'as envie que toutes tes features soient vues. Et c'est pas forcément le fait que le jeu soit fini, c'est plus que t'as envie que toutes tes petites features elles soient plus ou moins obligatoires pour que le joueur avance correctement dans le jeu en fait. Ouais, c'est, c'est plus comme ça que tu le ouais c'est ça aussi. Et puis aussi en fait le truc c'est que si t'es pas curieux dans un jeu comme dans Breath of the Wild, tu risques de te faire un petit peu chier. Par exemple dans Zelda, dans Breath of the Wild, il y a un truc, c'était, alors c'est pas grand chose, si vous tournez, il y a des chiens dans le jeu qui tournent, et si tu tournes comme le chien, je sais plus, il se passe une interaction avec le chien spécial, c'est ça? Bah, le chien, ouais, si tu tournes comme ça, il va y avoir des petits cœurs, il va commencer à t'aimer, tu peux lui donner à bouffer, tu peux de la même manière avec ton cheval aussi. Enfin, y a tout. Et ce qui est fou, c'est que le jeu te le dit jamais. En fait, il te dit jamais, tu peux faire ça, ça pourrait marcher. Il n'y a pas un bouton qui apparaît en mode clic, tu verras. Et en fait, les gens du coup le découvrent au fur et à mesure. Et moi, je redécouvre encore il y a un mois, alors que j'ai joué au jeu quand il est sorti. Il y a plus d'un an, tu vois. Il y a un mois, j'étais sur Twitter et je tombe sur un mec qui avait fait je sais plus quoi, mais c'était un truc hyper créatif que j'avais jamais vu encore avec. Ou même les speedrunners ont inventé beaucoup de techniques. Et un speedrunner, il a réussi à envoyer un socle en fait en l'air en s'accrochant au truc. Et en fait, il a réussi à l'arrêter, à le renvoyer. Enfin, il y avait une strat pour traverser la map super vite. Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent en place parce que le jeu est hyper riche en fait, et c'est super intéressant à voir sur internet comment les créateurs s'emparent de ça, quoi, en fait. En gros, tu laisses le joueur libre de ses actes pour qu'il développe sa créativité en mode se dire attends, comment je vais faire pour passer ça, quoi. Ou comment je vais faire, tiens, si je testais ça avec ça, il fait son petit alchimiste et il découvre des trucs et. C'est le petit sourire quand tu réussis un truc. Ouais, bien sûr, mais tous les joueurs, tu vois, ils ont pas forcément envie de faire ça. C'est pour ça que dans un triple A, ils préfèrent que toute leur mécanique de jeu soit. Le joueur ne passe pas à côté, donc tout est explicité dans le triple A. En fait, c'est surtout que dans le triple A, il faut que tu puisses finir le jeu juste avec les mécaniques de base. Une fois qu'avec les mécaniques de base, tu peux finir le jeu, t'as pas cette problématique, parce que si le joueur il s'en fout de tester toutes les mécaniques qu'offre le jeu, et ben il peut le finir juste avec ce que lui apprend le jeu de façon un peu brute, quoi. Quand le jeu il te dit bon ben c'est pour sauter, et ben voilà, avec ça tu le sais et tu vas pouvoir finir le jeu, enfin sur la partie qui t'intéresse, quoi, faire l'histoire par exemple. Oui, c'est ce qu'a fait Mario Odyssey justement. Tu peux finir l'histoire principale en connaissant juste les moves de base. Et après tu peux, moi, ce qui s'était passé, j'avais fini l'histoire juste avec les trucs de base et j'avais vu une vidéo, sûrement Mark Brand d'ailleurs, encore une fois, qui montrait un peu tous ces moves bizarres, et du coup ça m'avait fait relancer le jeu, tester ces mouvements là et aller chercher du coup encore plus de lignes. Ouais, pareil, moi c'était les speedruns de Mister MV qui m'avaient fait découvrir tous ces moves et que j'avais réessayé après. Ouais, c'est ça. Et après du coup tu trouves des youtubeurs qui te montrent comment ça marche, quoi. Ouais, bah pareil, par exemple moi j'ai fait du speedrun de Céleste, tu vois, par exemple, que j'ai adoré ce jeu, et du coup je l'ai speedrunné vachement pendant un moment. Et en fait, pour apprendre à le speedrunner, j'allais voir les gens comment ils faisaient pour apprendre les moves, parce qu'il y a vraiment des strats très particulières qu'il faut absolument que tu maîtrises dans ce speedrun, tu vois. Et du coup pour les apprendre vraiment, j'allais voir comment les gens les faisaient. Et en fait il y a vraiment toute une communauté qui se créait comme ça. Mais le jeu avait été pensé pour le speedrun parce qu'il y avait un mode speedrun dans le jeu et tout, donc c'est aussi un truc qui se met même dans Fury, il y avait un mode speedrun. Donc ça aussi c'est une forme de pensée en fait aux gens qui vont le streamer et le diffuser après, parce que le speedrun c'est souvent lié au stream, c'est rare que tu fasses du speedrun dans ton coin sans le montrer. Ouais, c'est ça. Et en fait plus généralement c'est la façon dont tu partages le jeu, quoi, à laquelle il faut réfléchir. Parce qu'il n'y a pas juste le streaming, parce que par exemple juste les scores dans Flappy Bird ça suffisait, quoi. Tu partages ton score et tu dis vas-y fais mieux que moi. C'est le merde. le petit tenge derrière. Qui est super important. Et du coup. Ouais, bah le partage du score, notamment dans les jeux sur Facebook, à l'époque où c'est arrivé aux alentours de. C'était 2007. Ouais, bon, il y a eu Zynga qui est arrivé en 2007, bref. le point de repère, c'est Zynga et Farmville. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'était ça, tout le délire de. Le succès des jeux comme Facebook, Farmville et compagnie, c'est que vous pouviez. Alors Farmville, il y avait pas, je ne pense pas qu'il y avait des niveaux, mais Candy Crush en tout cas, oui, c'était de pouvoir partager. Il y avait cette fonctionnalité quand vous franchissiez un niveau que les autres personnes de votre groupe n'avaient pas franchi, de partager votre statut comme quoi vous aviez réussi tout ça, et ça marchait très bien du coup sur les réseaux sociaux, parce que les gens ne sont pas seulement intéressés de pouvoir jouer ensemble, mais ils sont intéressés de pouvoir se vanter surtout de leur capacité. Je propose qu'on retourne un petit peu sur la vulgarisation des jeux vidéo. Oui, donc on disait que il y a 45 minutes, il y avait assez peu de making-of. Dans, c'était rare qu'on trouvait des making-of à l'intérieur des jeux vidéo. Donc du coup, il y a des, je suppose que l'une des raisons c'est ça. Il y a des youtubeurs qui ont pris l'initiative de parler de leur passion et de la création de jeux et d'expliquer un petit peu les ficelles derrière les jeux auxquels on joue. Qu'est-ce que il y a une chaîne qui me vient là, je l'ai encore jamais regardée, mais elle a l'air intéressante. C'est Boundary Break qui présente des niveaux, la façon dont les scènes de jeu en fait, tout simplement avec une caméra libre qui n'est évidemment pas celle du jeu. C'est un hack. Tu as l'air de connaître Thomas. Ouais, justement, j'avais vu il y a pas très longtemps. Ça va. Alors je sais pas comment ils se démerdent derrière niveau technique, mais je l'avais vu notamment. Bah, j'avais vu la vidéo sur Uncharted 2 où il montrait un peu comment était fait le niveau du train, qui était en fait une grande boucle. Oui. Et ouais, il y avait une vidéo, j'ai vu avec Last of Us, avec Zelda aussi, du coup. Donc ouais, je sais pas exactement comment ils se démerdent derrière, mais ouais, ils ont le... Ils prennent des outils, ils activent un mode debug ou je ne sais quoi, et du coup ils font voler le personnage où ils ont une caméra libre, et ils vont se demander, par exemple, à telle scène, on voit un mec dans l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Par exemple, dans Uncharted, ça, il y avait un espèce de monstre que tu vois dans l'arrière-plan, et ils se demandaient, bah, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il disparaît, est-ce qu'il machin, et puis du coup, ils mettent la caméra derrière, t'as la scène, et puis tu vois ce qui se passe, si le perso, il est détruit, du coup, c'est qu'en tant que développeur, c'est intéressant, ça peut te faire voir un peu l'optimisation ou non qu'il y a derrière les jeux. Par exemple, Zelda, tu voyais les créatures qui se baladent là, dans le sable. Et quand elles replongent en sable, elles sont vraiment tout le temps sous la map. Et elles remontent, elles replongent, mais elles restent constamment sous la map. C'est pas des trucs qui sont instanciés, qui pop comme ouais, ça. Ouais, ça reste affiché, quoi. Et les Bloodborne aussi, il y a pas mal de trucs comme ça. Où l'ennemi, ou même la deuxième forme, par exemple, d'un boss, était constamment en dessous de la map. Et apparaissait un peu violemment. Et c'est pour ça que t'as énormément d'effets à ces moments-là, pour cacher un peu la misère. Ouais, mais c'est vrai que toutes ces chaînes de tutos, quoi, qui t'expliquent de comment tu fais un jeu, c'est pas vraiment des tutos, mais on va dire que ça t'explique le process de développement de jeu, ça peut te servir si toi t'es un jeune développeur, quoi. C'est Justement, et post-process, justement, c'est très bien ça aussi, expliquer. Ouais. En tout cas, moi, c'est qu'à force d'essayer de développer des jeux et de m'intéresser à ce qu'il y a autour, c'est que tout ce qui est pure actualité pour joueurs lambda, ça m'intéresse de moins en moins. C'est que du coup des trucs qu'ils vont analyser ou qu'ils vont même aller regarder derrière, parce que c'est que souvent, même s'il y a des conférences à la GDC et compagnie, il y a toujours des secrets qui sont quand même gardés. Ouais. Et du coup, avoir des trucs comme ça où ils arrivent à passer sous la map, ou d'autres qui ont un peu plus pris le temps et qui t'expliquent un peu les processus qu'il y a derrière, même quand t'as eu une formation ou autre et que tu sais quand même un peu comment développer des jeux, ça peut toujours t'apprendre un paquet de trucs. Et je pense qu'aussi en tant que joueur, si un joueur qui a envie quand même de s'intéresser un peu plus, qui veut voir un peu derrière, c'est aussi intéressant pour eux. Oui, moi je me souviens d'un speedrunner de Super Mario 64 qui le speedrunnait depuis très longtemps, tu vois, c'est un mec qui a vraiment saigné le truc et qui t'expliquait en fait que le jeu avait genre 6 maps différentes et qui étaient générées pour le calcul du truc, et tu pouvais passer donc dans la map invisible, et si tu connaissais le chemin par cœur, tu pouvais avoir un raccourci, enfin des trucs où il pétait le jeu en fait complètement. Tu disais mais c'est fou, et du coup ça donne un insight sur comment le jeu a été pensé par les développeurs, qui est assez incroyable et qui est super riche. Ouais. Bah ça fait partie des vidéos qui sont intéressantes à regarder, ça d'ailleurs, des joueurs qui break complètement le jeu. Oui. C'est, je pense à des vidéos notamment sur Portal où t'avais le mec qui faisait sa vidéo, et en fait avec les portails il breakait le jeu de façon à arriver au gâteau qui n'est pas accessible normalement, et je trouvais ça quand même énorme de breaker le jeu de cette manière, parce que pour moi c'est, même en tant que développeur je me dis mais comment c'est possible qu'il y arrive. Parce que quand tu fais ton jeu normalement c'est pas prévu que tout le monde soit connecté, quoi. Même un des trucs les moins prévus par les devs et qui a été surutilisé après, c'est le rocket jump dans, je crois que c'était dans Quake, je sais plus dans quoi c'était la première fois qu'il y a le rocket jump, et c'est un truc qu'on n'avait pas pensé les développeurs à la base, alors que c'est devenu un truc essentiel du jeu très vite, tu vois. Ouais. Je me souviens que c'était Romero, je crois, qui avait fait le jeu, qui disait dans une interview, si je me trompe pas, peut-être que j'ai une bêtise, mais qui disait dans une interview que en fait quand ils ont découvert que les joueurs faisaient ça, ils se sont dit mon dieu, mais est-ce que tout le level design est pété ou pas, tu vois, et du coup ils ont vérifié chaque niveau voir si ça cassait pas le jeu et tout. Est-ce qu'on appelle du gameplay émergent? C'est du gameplay émergent. Ça me rappelle l'exemple de Event Zero, dont qui est un jeu du coup narratif où vous êtes à bord d'un vaisseau spatial, il y a une IA avec laquelle vous interagissez tout au long de votre partie, et en fait le jeu a trois fins en principe, et les développeurs ont été surpris un jour de se rendre compte que quelqu'un sur internet parlait d'une quatrième fin. Ils se sont dit ouais, c'est quoi ce bordel. Et du coup ils se sont renseignés et du coup ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait une quatrième fin, que l'IA, de par la qualité qu'elle a été programmée en fait, a réalisé une quatrième fin à l'intérieur du jeu d'elle-même. Alors je sais plus c'est comment elle se débloque, mais ouais, je crois qu'il fallait être super gentil avec l'IA tout le long. Bah en fait de mémoire hein, vous aviez une fin si vous étiez tout le temps gentil avec elle, une fin si vous étiez tout le temps méchant avec elle, une fin si vous étiez gentil et méchant avec elle, et en fait la quatrième fin c'est si vous avez été tout le temps gentil ou tout le temps méchant avec elle, mais si vous avez été gentil à un certain moment en particulier qui fait que ça crée une quatrième fin bizarre. Voilà, et ça sans les streamers, sans internet, sans tout ça, pareil, on s'en serait pas forcément rendu compte. Voilà. Oui, également, la vulgarisation, bah, comme on l'a dit, du coup, il y a assez peu de ressources là-dessus officielles. Les post-mortems des développeurs, c'est pas si courant que ça non plus. Il y a une conférence pour ça. C'est sûr que sur YouTube, en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais toutes les conférences, genre l'Indiecade, des trucs comme ça, il y en a plein. Donc, si vous pouvez participer à ce genre d'événement, allez-y. Ouais. Oui, et puis du coup c'est ce qui fait un petit peu notre culture en termes de jeux vidéo, par exemple la chaîne Afterbeat qui s'intéresse au sound design dans les jeux vidéo, c'est quelque chose, moi j'étudie le jeu vidéo, Thomas tu l'as étudié et Guillaume aussi, sound design, moi je n'ai pas été sensibilisé à ça au cours de mes études, vous non plus j'imagine. Très peu. Ouais, enfin on a eu des bases quoi, mais après c'est sûr que c'est plus, tu sais, on va dire le chef de projet qui va dire ouais moi je veux tel type de son tel, mais après en termes de sensibilité, enfin moi j'ai une formation de graphiste, donc je t'avoue que le sound design c'est le truc, on m'a dit ok ça existe. Ouais, non mais c'est ça, c'est quelque chose de, c'est une formation qu'on retrouve assez peu dans les écoles, à Montpellier je crois qu'il n'y a qu'une seule formation parmi la dizaine d'écoles de jeux vidéo qui propose une formation en sound design, donc voilà, à Montpellier. Ouais. Et donc ouais, heureusement qu'il y a des chaînes comme Afterbeat pour en parler. Et d'ailleurs j'ai un insight aussi de l'intérieur où genre souvent dans les gros studios, dans les grosses boîtes comme Ubisoft ou quoi, il y a des news tellers internes, tu vois, qui s'envoient, du coup genre il y a une équipe je pense dans le truc qui est occupée à trouver des trucs sur le net, tu vois quoi, et à l'envoyer à tous les gens qui bossent dans le studio, genre hey, lisez ça c'est intéressant, peut-être que vous ferez mieux votre taf ou un truc comme ça, tu vois. Et je sais que par exemple Mark Brown, donc qui fait Game Maker's Toolkit, il tourne vachement à ces trucs là en fait, toutes les grosses boîtes comme ça l'envoient en fait à leurs équipes et tout. Et j'ai eu récemment un message d'un quelqu'un qui bossait chez Ubisoft qui m'a dit hey, ta vidéo sur l'effondrement écologie elle était dans la newsletter d'Ubisoft comme il bossait là-bas, du coup il m'avait prévenu, et je trouvais ça ouf que genre en fait les vidéastes sur internet maintenant sont regardés en fait par l'industrie. Alors je sais pas à quel niveau, à quel point ça a un impact ou quoi, mais en tout cas c'est un truc qui existe quoi. Bah ouais, parce que même dans l'éducation je sais qu'il y a beaucoup de profs qui se servent de vidéos comme d'exemple dans leurs cours. Moi j'ai une école d'ingénieurs à Lyon qui m'a dit qu'ils avaient diffusé ma vidéo sur l'écologie aussi pour leur truc. C'est ouf quoi. Genre niveau fierté personnelle, ouais, c'est ça, ouais. Tu vas être assez content. Ouais, c'était cool. Enfin en plus c'était une vidéo politiquement pour moi qui était importante, donc si ça touchait les gens et tout c'est cool, mais du coup la vidéo sur internet en fait elle peut avoir un impact pas que sur les joueurs, en fait il y a plein de gens qui bossent sur les trucs et tout, qui regardent ça et qui sont inspirés par ça, ou qui ça peut aider quoi. Typiquement, enfin des trucs, les Game Makers Toolkit ou les, ça peut vraiment servir de support de cours. Et c'est vrai que lui, il arrive vraiment à résumer le truc, parce qu'après quand tu pars dans les conférences GDC, c'est vrai que c'est plus pointu, c'est plus long, et c'est vrai que c'est vraiment quand t'es dans le délire, alors que les vidéos plus de vulgarisation, mais qui vont quand même aller dans le détail de comment ça se passe, comment on fait. Mais qui sont résumées et plus courtes, ça peut avoir un impact sur autre chose que les pros ou presque pros. Et puis en plus, du coup, le mec qui fait sa vidéo, pour que sa vidéo soit vue, il se débrouille pour la rendre la plus sexy possible, qu'elle passe le mieux possible, en ayant un format pas trop long généralement, en mettant des images, en faisant un montage assez dynamique, etc. Et je regarde Thomas, pas trop long, certaines vidéos, 40 minutes. Ouais, ça fait 42 minutes, j'ai pensé aussi. Non, mais au moins, le montage, il était cool. Non, mais le côté long, il y a un côté aussi où, du coup, c'est un truc où les gens vont se poser pour la regarder et plus facilement, genre projetable dans des endroits. Donc, l'effet court et il y a un côté viral, mais l'effet long, il y a aussi un côté qui s'installe un peu et où la vidéo, sur le long terme, a plus de durabilité, j'ai l'impression. Oui, bah, de toute façon, en plus, ça n'empêche pas que ta vidéo a quand même été vue plus de 70 000 fois. Je crois, c'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est pas forcément un problème. mais du coup, ouais, voilà, c'est en tout cas, c'est plus sexy qu'une conférence à la Game Developer Conference, généralement. Bah, souvent, c'est plutôt nous qui nous tapons les conférences et après, on c'est les ça. Utilise dans nos vidéos. Bah, c'est ça. Et après, même le travail, enfin, voilà, pour préparer l'émission, sur certaines vidéos que tu as fait, j'ai regardé les vidéos et j'ai décortiqué pour chercher moi-même après d'autres éléments. Ouais, l'idée, c'est de donner aussi plus un truc, genre un hameçon, tu vois, d'intéresser les gens. Mais après, ce qu'on fait, c'est pas des cours, qu'on n'est pas des profs et vous n'allez pas apprendre les trucs en regardant les vidéos. Tu vois, les vidéos, ça va donner une clé, tu vois, mais après, il faut aller ouvrir la porte vous-même, quoi. Et du coup, les vidéos sur Internet également, elles peuvent servir à la recherche, n'est-ce pas? Oui. Alors ça, c'est un truc que moi, j'ai découvert un peu. Mais par exemple, sur le fait qu'on ait séparé les différences entre les youtubeurs comme Squeezie qui utilisent le jeu comme un support à leur mise en scène et les youtubeurs comme les testeurs et tout, le jeu, c'est le sujet de la vidéo. C'est des classifications qui ont été faites par des chercheurs. Alors, je pense à Esteban Green et Michael Perret, qui sont des chercheurs qui ont bossé sur ces questions-là, sur les questions de classification, ou sur quel rapport ils ont au jeu dans la mise en scène et tout ça, les youtubeurs. Donc c'est un truc qui est analysé en soi, la vidéo YouTube est aujourd'hui chez les chercheurs. Enfin, moi, je me souviens avoir vu un colloque dans lequel il y avait Esteban Green et Michael Perret, mais il y avait aussi, alors je me souviens plus du nom de la chercheuse, malheureusement, je suis vraiment désolé, elle avait fait toute la conférence sur Enjoy Phoenix. C'est une chercheuse et c'était hyper intéressant ce qu'elle avait à dire dessus. Et donc, c'est devenu comme la télé, le cinéma, c'est un truc d'analyse par les scientifiques dans les sciences humaines surtout. Et c'est hyper intéressant. Et les let's play, du coup, c'est aussi particulièrement utilisé, par exemple, dans la pratique de la conservation des jeux vidéo. Moi, j'étais allé au Japon récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Hiroshi Yoshida, qui est un chercheur là-bas au Ritsumeikan Center for Game Studies, qui est un centre du coup à Kyoto où ils font de la conservation de jeux vidéo. Alors, ils ont commencé à une époque où Nintendo en fait était encore très jeune et ils savaient pas quoi faire des consoles quand ils passaient à la génération d'après. Du coup, ils leur envoyaient tout leur stock, ils savaient pas quoi en faire, ils allaient pas les conserver, ils allaient pas les jeter. Du coup, ils ont filé ça à une université qui les a récupérés pour les conserver. Et d'ailleurs, quelques années après, Nintendo est revenu pour tout récupérer. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'était une chose assez marrante. Mais pas trop pourquoi. Bah, après, je pense que ça doit être pour tout ce qui est truc mini et tout. Après, ils ont dû réutiliser les trucs quand ils ont fait la NES mini et tout. Ah, s'ils ont récupéré, c'est qu'il y a de la thune, hein. Ouais. Faut pas chercher plus loin. mais du coup, il me racontait, du coup, Hiroshi Yoshida, qui bosse sur la conservation des jeux vidéo et tout, que le let's play, c'était un truc qui était utilisé dans la recherche parce que ça laisse une trace en fait pérenne dans le temps des pratiques en fait du jeu, parce que le jeu, c'est un truc anthropologiquement qui est hyper intéressant, c'est un truc qu'on partage avec tous les animaux de la Terre, c'est un truc qui est super vieux. Enfin, le jeu en soi, le humain, enfin, un enfant, quand il va éteindre, allumer une lumière 10 fois pour découvrir que l'interrupteur ça marche, c'est du jeu. Donc le jeu, c'est un truc hyper important chez l'humain. Et du coup, comment on conserve en fait ces pratiques, comment on conserve genre un des plus vieux jeux qu'on a, je crois, qu'on a réussi à retrouver. Je crois que c'était un jeu d'Égypte qui était un truc où je sais plus exactement le nom, mais c'est. Et du coup, comment ça, c'est cool, on a réussi à retrouver ça, mais comment on conserve du coup le jeu vidéo? Parce que c'est même en tant que support, c'est assez périssable, les consoles, les CD et tout. Mais aussi les pratiques, comment on y joue, avec les manettes, dans quelles conditions. Ça, pour nous, ça nous paraît évident, mais dans 200 ans, peut-être qu'on ne saura pas comment les gens jouaient à la GameCube, à Super Mario Sunshine, tu vois. Genre, avec quoi, ils avaient une télé cathodique, ça ressemble à quoi une télé? Peut-être que les télés n'existeront même plus, tu vois, j'en sais rien, tu vois, imaginons, tout peut changer hyper vite, quoi. Et du coup, ils disaient que le let's play, en fait, ça permettait d'avoir une trace de ok, on jouait à Fortnite, on y jouait comme ça, en parlant avec ces gens-là, il y avait toute une façon en fait de jouer qui peut être du coup enregistrée pour être stockée et pour avoir une trace dans le temps de comment on jouait et des pratiques. Après, il me disait que Hiroshi Yoshida, que c'était quelque chose qui était utilisé, mais ça suffisait pas. C'est-à-dire que souvent, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils allaient faire des sessions de jeu où ils allaient filmer toute la scène. Ils filmaient la console, comment elle était branchée à la télé et tout, pour vraiment avoir plus de contexte dans le jeu. Donc le let's play, c'est pas la recette miracle, tu vois, mais c'est un truc qui est utilisé du coup par les chercheurs dans ce domaine-là aussi. Ah, mais c'est clair qu'en plus, c'est important parce qu'en vrai, qui se souvient de comment ça ressemblait quand tu jouais sur une télé cathodique? Mais c'est ça, ouais. Parce que j'ai fait le test il y a pas très longtemps parce que j'avais ressorti. Enfin, je sais plus ce que j'avais sorti comme console, mais bref, j'étais allé jouer sur ma télé, une vieille télé cathodique. Purée, mais ça fait mal aux yeux quand tu joues là-dessus. En vrai, t'as l'écran qui, c'est pas du tout les mêmes que maintenant, et même tu te demandes à l'époque comment tu faisais pour rester autant de temps devant ta télé. Et puis il faut imaginer en 100 ans, quand tous les gens qui auront eu cette expérience, ils seront morts, tu vois, comment on garde une trace de ça, tu vois, historiquement, parce que je pense que c'est hyper précieux et c'est hyper intéressant, quoi. C'est comme aujourd'hui, on relit Maupassant parce qu'il décrivait vachement bien la ville de son époque et tout. Il y a tout un truc hyper intéressant, je trouve, anthropologiquement et tout. Et même ce à quoi ça peut servir aussi, c'est tous les trucs où, en fait, par exemple, les jeux en ligne, quand ils ferment les serveurs, si tu veux y rejouer, c'est compliqué. T'as l'exemple aussi sur l'App Store où ils flinguent assez souvent des applis parce qu'ils n'ont pas respecté les nouvelles normes qu'ils aient mis en place. Et c'est vrai que du coup, c'est un combat d'ailleurs qui pour l'instant est mal barré. J'avais vu, en tout cas aux États-Unis, l'association qui organise notamment l'E3 est plutôt pour dire c'est les éditeurs qui gèrent. Et il y a justement les associations derrière pour faire pour la conservation et autres qui aimeraient, par exemple, ne serait-ce qu'avoir le droit à avoir, par exemple, des backups. Ouais, des backups, des versions un peu aussi craquées, des consoles ou autres, juste pour outrepasser ce genre de trucs-là et juste pouvoir garder. Et ça, le problème, c'est que ça pose après des gros problèmes sur la propriété intellectuelle. Donc, après, de toute façon, j'estime que tu peux pas tout garder. Parce qu'il y a certains trucs quand même qui sont... C'est ce que me disait le chercheur au Japon, il me disait que de toute façon il y a des trucs maintenant avec les jeux services et tout que tu peux plus garder parce que c'est des trucs qui sont vraiment périssables en fait. Enfin typiquement la saison 4 de Fortnite, j'y pense, il y a tout un scénario avec une météorite qui est tombée sur la map et tout. Mm. Ça c'est un truc, tu vois, comment tu en gardes la trace, dans un an les skins auront disparu, la map aura disparu, tu vois, et tout ça, donc tu peux toujours avoir les lespés et tout, mais il y a tout un truc qui est quand même perdu où tu pourras pas retourner dessus pour y rejouer, tu vois, de plus pouvoir rejouer dans les mêmes conditions qu'avant, c'est un truc aussi... Ah bah c'est sûr, hein, c'est comme si tu me disais ouais mais là on peut plus jouer comme dans les années dans les années 1800 quelque chose. Bah ouais, dans les années 1800 quelque chose, il n'y avait pas les consoles, c'était pas les mêmes méthodes de consommation, mais bon, c'est pas... Enfin, le monde évolue aussi, donc... Ouais, non, mais c'est... Ouais, le monde... Ça, c'est l'argument de l'industrie. Non, mais après, c'est le monde évolue et machin, mais c'est vrai qu'au moins pouvoir garder des versions de ces jeux-là ou pouvoir relancer des serveurs même locaux, ça serait quand même intéressant. Ouais, enfin après, c'est intéressant de garder, et, mais et même techniquement, en plus, souvent, même je pense, comme tu disais, avec les événements Fortnite ou autres, techniquement, en soi, s'ils voulaient, mais c'est pas en leur intérêt en soi, mais techniquement, tu peux aussi faire des rollbacks de serveurs à différents moments. Et dans un monde idéal pour ceux qui conservent les jeux, ils auraient accès à un jeu en ligne comme ça avec un serveur local, et ils pourraient même repasser à différents moments de la vie du jeu. Pour la tester, pour le jouer, pour le présenter dans des musées, des trucs comme ça en fait. Oui, une question qui s'est posée au cinéma en plus. Enfin, pendant très longtemps, on n'a pas du tout conservé les trucs. On a perdu un nombre de films de 1890-1920. On a perdu plein en fait. C'est fou et c'est trop dommage parce que c'est des créations où sur le moment quand tu les fais, tu te dis bon bah c'est fait, c'est sorti. Mais en fait, 50 ans après, ça prend une valeur inestimable. Et je sais qu'il y a plein de cinéastes comme Scorsese qui se sont mobilisés après pour dire non mais arrêtez de tout balancer, il faut les conserver, c'est important quoi et tout. Et je pense que le jeu vidéo, il y a un peu de ça aussi. Pour l'instant, on est là en mode ouais, mais bon, c'est du jeu vidéo, et puis ça, les trucs changent, c'est pas grave et tout. Mais après, il y a quand même un côté où tu te dis non, mais pense genre en 2100, la mémoire collective aura peut-être oublié, genre la Nintendo 64 et des trucs comme ça, aura oublié Space Invaders, qui est un truc pionnier du jeu vidéo. Tu te dis putain, mais c'est trop con quand même, parce que ça fait partie de l'histoire humaine, tu vois, et t'as envie de la préserver un peu. Tu vois, ouais. Après, faut que t'aies une petite sélection quand même, parce que sinon, ça en fait de la data. Hein. Ouais, bah surtout que maintenant, il y a combien de jeux, il y a genre 25-26 jeux par jour sur Steam qui sortent, même plus maintenant. Enfin, ça, si tu comptes pas tous les jeux amateurs, ouais, tous les jeux de jam, mais rien que les jeux de jam, tout sauvegarder, c'est impressionnant. Après, tu peux pousser le vice, tu peux sauvegarder genre chaque étape du développement, genre tu récupères tous les backups du développement. Bah, le problème se pose aussi avec le film maintenant, parce que genre si tu considères les vlogs comme des films et tout, tu vois, il y en a tellement des vidéos sur YouTube qui sont postées maintenant que tu peux pas toutes les conserver pareil, tu vois, c'est compliqué. Ouais, surtout qu'il y a même des fois des bouts entiers de projets et de codes qui sont perdus, notamment, et celle-là elle est pour toi. Ah putain, j'allais le faire. C'est qu'il y avait eu le cas sur le premier Kingdom Hearts du coup. Ah, et, l'argument, on l'a placé, ça y est. Et après l'argument derrière aussi des gros de l'industrie, c'est dire oui mais on fait des remasters. Le problème les remasters, c'est que ça vient aussi emmerder ce que tu disais là, c'est que ça va biaiser en fait la manière dont on va jouer et apprécier le jeu en fait. Souvent quand tu mets à jour un peu trop les graphismes, même des fois l'expérience de jeu, ou que t'améliores un peu la jouabilité sur tel ou tel truc, tu peux pas dire que ça te donne les bonnes infos sur qu'est-ce que c'était ce jeu quand il est sorti en fait. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une super émission sur Remaster Dive and Retry en podcast. Oui, elle était pas mal. Elle était pas mal. Oui, non, effectivement, il y a une époque où les codes sources, une fois que le jeu était sorti, on s'en foutait un petit peu, on les perdait, ou voilà. Ça a changé ces dernières années où on s'est rendu compte que, ouais, on pouvait faire des remasters avec ces jeux-là et que du coup, ça pouvait être intéressant de garder ces codes sources pour pouvoir gagner plus d'argent avec plus tard. Et voilà, parce que donc pour reprendre l'exemple de Kingdom Hearts, effectivement, le premier Kingdom Hearts avait perdu son code source et du coup, ils ont dû faire tourner le jeu sur PS2 et puis essayer de recréer le code du jeu à partir de là. Il fallait que tu le dises toi-même, c'est ça? Oui, exactement. Sinon, ce n'est pas validé, tu comprends. Oui. Voilà. Mais. Putain, non, mais il y a tellement de trucs à dire là. Oui, mais comme tu le dis, Thomas. Thomas Gonzalez. si tu fais un remaster et que tu joues au remaster, ben, tu joues pas au jeu d'origine, basiquement. C'est une nouvelle œuvre qui ressort. Par exemple, Star Wars, on a perdu. Aujourd'hui, il n'est plus possible, je crois, de regarder la première version de Star Wars qui est sortie. Il y a eu beaucoup de versions de Star Wars et la première, tu peux plus la regarder. Donc, ouais, c'est vrai que quand tu regardes, je crois que c'est une version des années 95. Quand ils ont refait la deuxième trilogie. Mais il y a des fans qui sont amusés à essayer de récupérer les trucs, ouais. Et je crois qu'il y a un fan film où t'as même la séquence avec Jabba qui est même pas en numérique et tout, qu'ils avaient enlevé du film, je crois, à la sortie. Et qu'il avait rajouté George Lucas après. Ouais. Il y a quelques jours à la télé, il y avait le Star Wars épisode 1 et je regardais ça deux minutes et effectivement, les effets spéciaux m'ont paru être retouchés par rapport au film qui est sorti. Ils ont refait Yoda. Oui, aussi. Dans le 1, c'était une marionnette et comme à la vieille époque. Et en fait, quand il est ressorti, il est ressorti en numérique. D'accord. Ok. Dans la menace fantôme. Ouais, dans la menace fantôme. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai pas non plus, mais d'accord. Mais du coup, quand vous voyez ça, effectivement, vous voyez pas le même film que celui qui a vu la première version. En même temps, vous ne verrez jamais le film dans les conditions, le film, le jeu, l'œuvre à laquelle vous allez être confronté, vous ne le serez jamais au moment. Comment dire ? Il n'y a pas juste de retoucher l'œuvre en la modernisant techniquement. Il y a également, si vous jouez à Metal Gear Solid, le premier, il n'a pas été refait en HD, ils l'ont remis de net comme ça dans la Legacy Collection. Si vous faites Dark Souls Remastered aujourd'hui, avec du coup c'est un graphisme amélioré, et si votre ami à côté il fait Dark Souls sans le premier Dark Souls mais en version normale, et ben tous les deux vous n'aurez pas la même expérience que le mec qui a fait le premier Dark Souls au moment de sa sortie. Et ça aussi du coup c'est ce qu'on appelle le zeitgeist en philosophie, c'est l'esprit du temps, c'est-à-dire que faire une œuvre au moment de sa sortie, au moment où elle sort, parce qu'une œuvre sort à un moment T de l'histoire du temps, parce qu'il faut que ça sorte à ce moment-là, c'est les influences culturelles de l'époque qui amènent à la création de cette œuvre-là et à la publication de cette œuvre-là à un moment T de l'histoire, et ben c'est intéressant de la faire à ce moment-là. Par exemple, j'ai vu un film hier où ça parlait de politique et c'était clairement en lien avec ce qui se passe actuellement, et évidemment j'ai pas l'exemple là pour me revenir, mais voilà, ça perdrait de son sens si vous faites le truc des années plus tard. Et un autre exemple que j'ai, c'est celui de le jeu avec des tampons là, où on fait passer des migrants, merci. Okay. Papers, Please. L'intérêt de Papers, Please, qui est sorti, je crois, à partir du moment où on avait je ne suis assez peu la politique, je dois bien 2013-2014, je crois. C'est ça par rapport à la migration. Les trucs de migration. Concrètement, ça se passe en Russie, on peut comprendre que le monde de Papers, Please, c'est un peu la Russie. Non, c'est plus, enfin, ouais. C'est plus l'URSS, j'ai l'impression, la référence. Ouais, mais j'y connais rien. Mais bref, mais en tout cas, le monde de Papers, Please, il est fictif. Et il peut juste vous faire penser à tel monde réel, etc., et telle situation politique réelle. Mais ce n'est pas concrètement la réalité. Et du coup, c'est pour ça que ce jeu va rester pertinent dans le futur. C'est parce que quand vous y rejouerez dans 10 ans, eh ben, il résonnera avec un événement actuel. Probablement, alors que si ça avait été concrètement un exemple politique de l'époque 2013-2014, ça aurait perdu un petit peu de son sens si vous y jouez à un autre moment qu'à l'époque où c'est sorti. Mais du coup, le docteur Yoshida était quand même un peu critique sur l'utilisation du let's play dans la conservation, parce qu'il disait ok, c'est bien pour plein d'aspects, mais dans le let's play, il y a du coup, comme je disais, il y a cette forme de mise en scène et de jeu qui forcément va venir déformer l'expérience, est-ce qu'elle est vraiment, et que personne ne joue au jeu comme Squeezie joue par exemple. Enfin, je pense pas que tout le monde hurle chez soi dès qu'il fait un kill dans Fortnite. Enfin, peut-être le premier, d'accord, mais après j'ai un doute quoi. Ouais. Oui, et puis également, en France, on a un genre de banque dans laquelle on stocke plein de jeux vidéo. Je sais plus comment ça s'appelle, le centre national qui conserve des trucs. Et voilà. Mais le truc, c'est que le matériel du jeu vidéo, il est périssable en lui-même. C'est-à-dire que la cartouche de Nintendo qui est sauvegardée quelque part, à un moment donné, bah, elle sera inutilisable. Je crois que c'est... Bon, je ne vais pas dire de bêtises sur la durée de vie de ces trucs-là. Mais voilà, c'est voué à disparaître de toute façon. Donc c'est sûr que peut-être que la vidéo sur Internet survivra. De toute façon, tout est voué à disparaître. Oui, de toute façon. Ça touche déprimante. Ouais, non, c'est vrai. est-ce qu'on avait autre chose à évoquer après la recherche, ou continuer à dire ça, quelque chose sur la recherche? J'ai un peu de mal. Je t'avoue que je crois qu'on a un peu fait le tour de le sujet. À moins que si tu veux rajouter quelque chose... Non, mais écoutez, amusez-vous sur des jeux vidéo, c'est cool. Et puis, pas trop les nouvelles consoles parce que c'est pas hyper écologique. Essayez de réduire vos usages, mais sinon c'est cool. Ouais. Ouais. Bah du coup, on va passer aux recommandations. Si tu en as d'autres, Thomas. en plus de regarder la vidéo sur le jeu vidéo va-t-il disparaître pour prendre conscience du défi écologique qui nous attend. Un regroupement sans culturel, tu veux dire, du coup, en général. Ouais, sur le sujet, en fait. Mais oui. Sur le sujet, faites un tour, peut-être qu'il faut que je réfléchisse deux secondes, mais ce qui est quand même dans notre temps. Bah, déjà, tu peux, je pense, aller dire d'aller voir ta chaîne. Sur les vidéos que tu as fait sur Squeezie. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment Squeezie influence le jeu vidéo, qui parlait de ce sujet-là. Voilà. Ouais, elle commence à dater un peu, donc c'est bien du genre. Mais... Bah après, non, bah, franchement, c'était quand même plus que correct au niveau montage, etc. Et t'en as fait une autre aussi sur la vulgarisation sur YouTube qui est encore ça, plus. Ça, c'était vraiment une vieille où c'était une époque où je voyais en fait qu'il y avait eu le 3615 Jules qui a été un daron vraiment dans la tchatche sur le jeu vidéo où c'était écrit, il y avait une analyse et tout, qui était partie de on parle du jeu vidéo et ça a été fini sur on parle de politique en utilisant le jeu vidéo comme tremplin. Oui, carrément. Et ce qui était une évolution super cool, j'avais trouvé. Et en fait, une fois qu'il a arrêté ça, il a laissé un peu un vide dans le jeu vidéo. C'est, en fait, il a inspiré plein de vidéos de vulgarisation qui ne feraient pas ça sinon aujourd'hui. Je pense qu'Arim Debache a été inspiré parce qu'Arim Debache bossait sur la mise en scène du 3615 Jules d'ailleurs à la base. Je pense à Dirty Biology, il pense à tous ces gens-là, sont arrivés, je pense, aussi parce qu'il y a eu cette présence-là avant, de notamment les Jules, qui, je pense, a été un pionnier. Et je suis complètement perdu dans ce que je voulais dire, mais du coup je ne me retrouve pas, donc Bah, si t'as d'autres recommandations, mais du coup en tout cas c'est ce qu'il avait fait avec ça, c'est cool. Et voilà, et du coup à l'époque j'avais sorti cette vidéo où je disais après le 3615 Jules il y avait plus grand chose en fait d'analyse de jeux vidéo qui marchait bien, parce que le 3615 Jules ça marchait bien, et c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais il y a toujours, les conditions de création sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on galère, c'est ultra précaire et il y a peu de monde qui en vivent, quoi. Oui, bah. Faites des dons sur Tipeee, voilà. C'est ça. C'est ça. Et aussi, non, juste que l'offre, c'est hyper diversifié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Usul et quelques autres, mais maintenant, c'est vraiment très varié. Et vous avez plein d'approches différentes. Vous avez avant la chaîne de Pierre Re, donc c'est P-I-E-R-R-E, qui est une chaîne en fait avec, où c'est plus une expression artistique en utilisant le jeu vidéo et en parlant de jeu vidéo qui est hyper pertinente. Vous avez plein de meufs maintenant qui c'est un peu comme la chaîne de Un bot pourrait faire ça, non? Ouais, alors dans la mise en scène, c'est pas la même chose, mais ça parle de jeux de façon sensible et tout. Un bot pourrait faire ça parle vachement de petits jeux, de jeux indépendants, de choses comme ça. Vous avez mais vraiment une variété, c'est incroyable. Vous avez la chaîne de la développeuse du dimanche par exemple qui va parler de jeux vidéo. En fait, elle fait un jeu et elle raconte toutes les deux semaines son avancement dessus et tout. Ouais, façon blog avec pas mal de mise en scène et son aspirateur. C'est ça, avec son aspirateur et tout, et c'est super marrant. Et vous avez vraiment une richesse en fait aujourd'hui qu'il faut pas hésiter à saisir en fait, quoi, vraiment. Bah, dans la même veine, je vous reconseille Ashikara qui fait pareil, qui montre un aspect poétique en analysant les premiers niveaux des jeux vidéo. Vous avez, il y a pas mal de chaînes, on va dire tous les Game Dexdoor, les post-process qui vous expliquent le fonctionnement, les Pseudoless avec son émission Red Barrel qui est super intéressante, qui décortique certaines mécaniques des jeux vidéo. Vous avez 3615 Usul, allez voir Merci Dorian d'ailleurs qui lui a succédé juste après. Pour tout ce qui va être analysé sur des points précis, jeux vidéo, ça je pense que c'est quand même des chaînes qu'il faut avoir vues, surtout si vous êtes un jeune développeur. Et ouais, c'est vrai qu'on parlait, on parlait de Game Next Door du coup, et je vais reparler du coup de Gamekult. Du coup ils ont une émission dessus du coup qui est assez ressemblant à ce qu'ils faisaient avec Game Next Door, qui s'appelle Loop. Et de la même manière aussi sur le côté voir les coulisses sur Gamekult, il y a les in-dev weave où on va directement interviewer un développeur. Il y a même un truc où il y avait même plusieurs développeurs sur la localisation, les conditions de travail là-dedans. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est important de, quand on est développeur et tout, enfin après je vais pas parler parce que je suis pas du tout développeur, mais si on parlait du coup des vulgarisateurs qui parlent des mécaniques, de la technique et tout, je pense que c'est important aussi de consommer les discours sur l'esthétique, sur les ce que disent les jeux et sur un discours politique. En fait, je pense que c'est important quand on bosse dans le jeu vidéo de faire attention à être politisé et tout, parce que déjà c'est un objet, le jeu vidéo qui est très politique et qui est dans une industrie qui est particulièrement dépolitisé. On voit que les conditions de travail dans le jeu vidéo qui sont assez dures dans plein studio, et même dans les plus gros, Naughty Dog, c'est des Project Red, Quantic Dream, il y a des noms comme ça où on sait que les conditions dedans sont pas terribles et tout. Là tu as le point de vue du gars qui est pas développeur justement, parce que en fait quand tu développes t'as quand même tout le temps une sorte de t'as envie de finir les choses rapidement, donc après les conditions il y a toute une culture dans le développement et tout où il faut bosser beaucoup et tout, mais je veux dire c'est important je pense d'avoir une analyse politique aussi des jeux vidéo et de son métier. Et d'ailleurs, il y a le STJV, si j'ai modèle de travailleurs dans le jeu vidéo, qui est le premier vraiment syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, qui est né l'année dernière. Et je pense que si vous bossez dans le jeu vidéo, ça peut être une bonne idée de les contacter, parce que plus il y aura de monde là-dedans, et plus on pourra améliorer les choses à ce niveau-là. Donc, c'est juste dire qu'il y a tous les vidéastes qui font des trucs très techniques comme Mark Brown, mais il y a aussi des choses, je pense, qui sont intéressantes sur le plan politique et esthétique et tout ça. Ouais. Oui, les studios de jeux vidéo, effectivement, c'est assez opaque. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, on a eu les crunch investigations, donc les enquêtes croisées de Canard PC, Mediapart et Le Monde, qui ont fait la lumière sur certaines mauvaises pratiques du studio Quantic Dream. Je ne sais pas s'ils se sont attaqués finalement en Kama. Il me semblait qu'ils avaient prévu de le faire. Je ne suis pas sûr que des articles soient sortis finalement. Non, je crois pas. Mais bon, en Kama, on sait, si vous écoutez d'autres podcasts ou des gens qui travaillent dans le jeu vidéo parlent, c'est pas forcément une boîte où tout le monde est super heureux. Il y a eu au moment où Kojima quittait Konami, on a appris un petit peu comment ça se passait là-bas, avec du coup des employés qui étaient un petit peu surveillés par leurs employeurs. Voilà, mais après, évidemment, c'est pas la même culture d'entreprise dans toutes les boîtes. Et oui, y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques comme partout. Après, compliqué de savoir tant qu'on n'est pas à l'intérieur du studio réellement comment ça se passe. Faut nuancer le propos, quoi. Ouais. Donc bon, à part se tenir proche des développeurs en allant à des événements networking, etc., pour discuter avec eux, voir comment ça se passe, ou bien d'entrer soi-même dans le studio et voir comment ça se passe de soi-même à l'intérieur, c'est compliqué de réellement connaître la situation. Mais après, il y a aussi, notamment sur Gamasutra, même du coup, ces derniers mois, même depuis un petit moment, il y a beaucoup de développeurs justement qui parlent du problème de l'overtime, du crunch du coup. Et donc il y a pas mal d'articles écrits directement par des développeurs qui parlent de leur expérience avec ça, ou qui parlent de comment ils changent de méthode de production, des trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant à regarder aussi pour avoir pas mal de points de vue là-dessus. Hein. Et ça me fait penser aussi qu'il y a un site dans lequel vous pouvez évaluer l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et sur ce site-là, dont j'ai oublié le nom... Pardon ? C'est Glassdoor. D'accord. Eh ben, CD Projekt s'était pris une assez mauvaise review. Mais le truc, ce qu'il faut garder en tête quand on va sur ce genre de site-là, c'est que je ne veux pas remettre en cause l'avis de la personne qui a été formulée sur ce site, et que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je sais juste que ce n'était pas positif du tout. Et je ne sais pas si c'était une seule personne ou s'il y en a eu plusieurs, mais il faut garder en tête qu'également, les personnes qui s'expriment le plus, généralement, ce sont les personnes qui ont des reproches à faire. Généralement, quand vous êtes content de quelque chose, vous ne le dites pas forcément. Donc voilà, il faut garder ça en tête, et de toute façon, aucune entreprise n'est parfaite. Donc forcément qu'il y a des gens qui sont pas contents de l'endroit où ils bossent. Après voilà, est-ce que c'est justifié ou pas, je ne sais pas. Quant à mes recommandations, moi je vais vous recommander des chaînes assez connues, hein. Je sais pas si je vais en apprendre à grand monde. Un Drop dans la Mare, qui est une chaîne assez politique, qui dans leur chronique Fleur de Sel, qui a lieu toutes les deux semaines, ils reviennent sur quelques news qui se sont passées entre chaque émission, et ils en font une analyse assez à froide en fait. Et voilà, ils proposent également leur 2 minutes pour convaincre. Je crois que la dernière émission de ce type date d'il y a un petit moment maintenant. Je sais pas s'ils ont complètement arrêté ou s'ils comptent en refaire une. Non, ils bossent dessus encore, ouais. C'est juste qu'ils ont en même temps le Fleur de Sel et tout qui est financé par le CNC, donc c'est un truc sur lequel ils sont un peu sérieux et tout. Et le Fleur de Sel, le 2000 pour convaincre, c'est un peu à côté, mais, ouais. Mais je sais de source interne qu'ils travaillent toujours dessus. c'est une bonne nouvelle parce que leur 2 minutes filtrées ce soir. Leur 2 minutes pour convaincre qui durent un peu plus de 2 minutes sont très intéressants, et du coup, ce sont des émissions dans lesquelles ils analysent du coup un élément du jeu vidéo, par exemple, qu'est-ce qu'une bonne manette, etc. Et voilà, ils proposent leur réflexion sur ce type de sujet, et c'est très cool. Post Process qu'on a évoqué également, s'intéresse à comment on fait des jeux vidéo, que ce soit au niveau du boulot des artistes, donc comment modéliser, comment texturer, ou que ce soit au niveau de la programmation. Alors je crois que l'équipe ne contient pas de programmeurs, mais ils touchent un petit peu au moteur Unreal Engine avec le blueprint, etc. Donc ils vous en parlent aussi un petit peu, et puis c'est très très cool pour voir un petit peu quels outils on crée des jeux vidéo. C'est vraiment le genre d'émission dans lequel je me sers pour poursuivre mes cours. Hein. Extra Credit aussi, qui est une chaîne anglaise, ouais, anglaise ou américaine. Bon, de toute façon, c'est ça parle anglais. Ouais. voilà, mais la plupart de leurs vidéos sont sous-titrées en français, en tout cas pas mal, sont sous-titrées en français ou en anglais au pire. Et d'ailleurs, ils avaient fait une super vidéo sur The Division où ils parlaient justement des implications politiques du jeu, à quel point en fait, peut-être même sans s'en rendre compte, Ubisoft avait fait un jeu assez facho et problématique. Quoi. Et oui, vachement bien. Bah, The Division, c'est le jeu dans lequel vous tuez des pauvres. C'est ça. qui d'ailleurs The Division 2 a l'air de prendre une autre tournure puisque là vous allez vous tuer des riches. Voilà, c'est ça, ça a l'air d'être ça. Ubisoft a précisé qu'il n'y avait aucun message politique derrière, donc à chaque fois ils désavouent quand même, même s'ils essaient de faire des trucs. C'est un peu en vrai, ça les foutrait quand même dans des situations assez délicates. Ouais, mais le truc c'est que quand tu utilises une imagerie qui est aussi politique que ça, tu vois, il y a un côté un peu irresponsable à se dire après, ah non, mais on n'essaie pas de dire quelque chose. C'est comme pour Far Cry 5, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est compréhensible en même temps parce Ouais, mais sauf que les images qu'ils utilisent sont vraiment. Enfin, elles sont chargées, tu vois, genre à côté, je sais pas. Ouais, c'est l'industrie du triple A, c'est que voilà, c'est frustrant. Énormément d'argent, du coup, ça doit être un petit peu lisse aussi. Enfin, c'est compréhensible, bien que ce ne soit pas forcément pour le mieux. Après, en découverte, je vous conseille aussi Seldel du site IndieMag, qui fait des découvertes de jeux indé chaque semaine, même plusieurs fois par semaine. Du coup, voilà. Ouais, un dernier conseil, si vous voulez du let's play un peu. Comme on l'a montré tout à l'heure, qui est plutôt safe au niveau des blagues et tout. Je peux vous conseiller Nathalie aussi, qui est une streameuse et qui fait aussi de l'analyse de jeux vidéo des fois, mais elle est surtout streameuse. Donc si vous voulez du let's play un peu cool, vous avez ça aussi qui existe. D'accord, bah très bien. Je pense qu'on a Thomas rien à rajouter. Non, c'est bon. Ok, on a fait le tour des recommandations. Est-ce que vous avez des informations promotionnelles à partager Toujours, enfin les classiques. Hein. Donc vous connaissez maintenant Arashi, donc vous pouvez aller liker la page Facebook en tapant Arashi le jeu si vous voulez être tenu au courant des mises à jour sur le. Enfin. Des avancées du jeu plutôt. Voilà. Et vous pouvez toujours tester la démo de Astre sur itch.io et suivre la page Facebook et le compte Twitter. Et vous pouvez toujours visionner graphiquement l'émission Gas Spectrum sur YouTube. Je suis aussi un peu actif sur Twitter, Facebook, Instagram. Je crois que ça doit être à peu près tout. Et voilà, et j'ai aussi du coup mes vidéos sont entièrement financées grâce à Tipeee, donc au crowdfunding. Donc si jamais ça vous plaît vraiment et que vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas. Ouais. Pour aider à la pérennité de l'aventure, on va dire. Tous les liens qu'on a évoqués seront. Oui. J'allais dire simplement aussi pour Devin Retry, vous pouvez pareil aller liker la page Facebook et retrouver tous nos podcasts. Vous allez le dire, mais bon, merci oui. Guillaume. Non, mais j'avais envie de le dire, je sais pas si tu remarques. Écoute, il n'y a pas de souci. Tu nous feras peut-être une animation un jour, qui sait. Vas-y. Ça me soulagera d'une petite émission. On mettra la technique comme ça. Ah oui. Voilà, vous pouvez du coup, je vous ai retrouvé tous les liens de ce dont on a discuté au cours de l'émission dans la description du podcast, je vais y arriver. Merci encore, Guillaume, bien sûr, chroniqueur survivant de l'émission, et à Thomas Gonzalez et à Thomas Versavo. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super cool. Merci infiniment. Bah, c'était très bien. Merci à toi d'être venu. Ouais, c'était une bonne émission, je trouve. Je suis très content de vous avoir eu avec nous. Du coup, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Je vous dis bye bye. Au revoir. Salut. Salut.